Le premier vrai choc, ce sera demain soir à 20h, Portugal-Espagne. Pour les Bleus, premier match samedi midi face aux Australiens. 32 nations vont s'affronter jusqu'au 15 juillet. Mais tout de suite, c'est Coé Slash. Ça y est. Vous êtes prêts? Ce soir, émission spéciale Barbecue. C'est qui? Comment vous faisiez avant? Bonjour tout le monde, salut, bienvenue 18h. Merci de nous avoir choisis. Merci d'être avec nous tous les soirs. Merci d'être très nombreux à nous écouter tous les soirs. Est-ce que je voudrais savoir, oui, de quelle personne malade, en tout cas son cerveau, est sorti cette idée de faire barbecue, où es-tu? Quel rapport avec la chanson Babacar? Babacar, barbecue. Mais ça rime pas, mais ça sonne pareil. Mais car et cue, d'où ça rime? La musique du mot. L'intensité. Mais non, à la limite, t'aurais fait barbecue. Il est là le barbecue. Et barbecue. Barbecue, c'est bien. Il est où, barbecue? Il est là. Il est où le barbecue? Barbecue. Bah si, c'est mieux quand même. Ça chante mieux dans les consonnes. Mais ouais. Tu le retiens. Regarde, ta souris direct quand tu l'as entendu. Ouais. Voilà, tu vois. Je sais jamais si c'est parce que je suis consterné. Si c'est parce que ça m'amuse. Tu seras viril, ma gaze. Avec ta merguez dominante. Ouais, faudrait faire un edit de Préto. C'est la gaze de trop. Il faudrait faire ça. En fin de soirée, ça. Bon, les amis, c'est le fait qu'il y a une trop grosse ambiance. C'est la guest de trop. Bon, bah, c'est bon, j'en prends plus. Arrête, je me casse. Tout à l'heure, à 19h, Facebook Live, et nous descendons dans un studio magnifique entre la clim et les poubelles. Ah, ouais, c'est vrai, excusez-moi les gars, c'est entre les poubelles et la clim. C'est pas l'endroit le plus beau. C'est pas, excusez-moi, c'est pas non plus. Oui, mais c'est convivial, monsieur. Ah, oui, enfin, on a les poubelles et une clim conviviale. Laurent, c'est la clim et les poubelles quand même. Laurent, vend pas du rêve. Ça fait barbecue de chantier, quoi. Comment? C'est la cour d'Europe 1. Ah oui, ouais, c'est les poubelles d'Europe 1 et la clim d'Europe 1. C'est la même. Bon, en tout cas, les amis. Europe 1, ils sont contents du barbecue? Et vous venez manger, hein. C'est vrai, en plus, vous venez manger, les amis. Hein. Je vous invite. J'invite Europe 1, j'invite RFM. Et je m'adresse à toutes les autres radios et les animateurs en fin de saison qui ont du mal à boucler leur mois. Même en fin de carrière. Qui n'ont pas eu leur prime. Venez nous voir. Venez. Allez. Mettez des lunettes de soleil. Vous venez de Fun Radio, d'Énergie, de Skyrock, de partout. Lunettes de soleil, voilà. Casquette. Incognito. Merguez pour vous. Venez faire des provisions. Les amis, on fait un métier où, voilà, on se connaît tous, on se croise tous, plus ou moins, etc. Oui. Voilà, tout le temps. Oui. Donc venez, voilà, c'est de la sympathie. La merguez, c'est sympathique et c'est convivial. Et nous allons faire barbecue puisque c'est jeudi, c'est barbecue. Il y a un hashtag. Comment? Il y a un hashtag. C'est quoi le hashtag? Barbecue party chez Coé. D'accord, tu me changes ton micro par contre parce que là, vraiment, là, j'ai l'impression que c'est le micro de Pierre Belmar en 70. Prends ce que tu veux. Là, c'est mieux. Manager aussi. Comment? Là, c'est mieux. Oui. Il y a un hashtag qui s'appelle barbecue party chez Coé. Oui, je t'ai pas dit que j'avais pas entendu, je t'avais dit que le son était mauvais. Je me suis dit du coup que voilà, tu t'entendrais moins bien. Barbecue party chez Coé, c'est le hashtag de ce soir. Ça veut dire que si vous nous le mettez en TT, c'est comme si vous participiez avec nous et que vous étiez la Coupe du Monde. Et que vous étiez autour de la grande table. Voilà, en tout cas, on fait une bise à toute l'équipe. Je vous embrasse les amis, j'espère que vous avez passé une belle journée. Oui. Vous qui êtes en voiture, j'espère que vous avez passé aussi une belle journée. Je salue ceux qui habitent dans le sud de la France qui ont de belles températures. Voilà, dans le nord, c'est pas foufou. Non. Mais là, la France est vraiment coupée en deux. Hein. C'est du 29 dans le sud-est, encore, c'est 29 degrés, donc je vous embrasse tous. Dans le nord, c'est... Mais voilà. Est-ce que la cagnotte est toujours en place? La cagnotte, oui. Pour les sinistrés? Oui. Du petit village où on s'est mobilisé mardi. Oui, et elle arrête pas de monter. Et je suis très content, vous savez pourquoi? Parce que c'est pas tant que la cagnotte monte, c'est que en fait, la cagnotte litchi qu'on a mis en place pour les gens qui ont été inondés, il y a beaucoup de gens en local, des radios qui ont repris, des journaux qui ont repris le truc, qui ont dit qu'on en avait parlé dans l'émission, qui ont redonné le lien de la cagnotte litchi. C'est bien. La litchi. C'est bien. Et qu'en même temps, il y a plein de gens qui n'ont pas donné d'argent, mais qui ont donné des fours, qui ont donné des serviettes, des meubles, etc. Et c'est ça qui est bien. Ou de l'aide. Comment on participe, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'avaient pas d'argent à donner, mais qui avaient des meubles et qui avaient des choses comme ça. Voilà, donc en tout cas, merci à vous tous. Très bien. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Nous aurons ce soir pas mal de choses. J'aurai à vous offrir encore le moyen de gagner 18 000 euros en envoyant un SMS au 7 12 13 en mettant Coé au début de votre message. Et n'oubliez pas, jeudi prochain, pile dans une semaine, Je vous appelle, je vous dis bonjour, vous faites quoi à 18h, vous me répondez. J'écoute Coé sur Virgin Radio. Et vous gagnez 18 000 euros. Alors je voudrais donner une précision, parce qu'hier on a eu la dame de Leroy Merlin. Oui. Vous savez, on a passé, je sais pas si c'est dans le débrief. Si, bah oui. Mais cette dame, on vous l'écoutera dans un instant, on a voulu l'appeler en prenant une voix de petit vieux, elle m'a reconnu. Oui. Et derrière, elle a dit cette petite phrase à sa collègue, qui passe, mais vraiment au loin, où elle dit, non, ça peut pas être lui, il est plus de 18h. Mais... Alors, mais... je voudrais dire à cette dame que oui... Le jeu, c'est vous faites quoi à 18h? J'écoute Coé sur Virgin Radio. Mais c'est pas pour autant qu'on arrête à 18h01. C'est l'émission la plus courte du monde. Et c'est ça que je veux dire. C'est que c'est 18h. Oui, mais ça commence à 18h. C'est la dame, elle a dû se dire. Attends, il est 18h10. Non, c'est pas lui. C'est non, Coé, il fait 18h. L'émission la plus courte du monde. Bonjour, une vanne, au revoir. Je veux dire qu'un intérêt est bonne, cette vanne. Faut bien la choisir. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Donc, on aura quoi encore, Stouff, comme cadeau? On aura les places pour le parc Astérix. Très bien, avec bien. Toute la famille. C'est pas des places, hein, c'est des passes. Ah, c'est des passes. Il y a l'hôtel. La nuit d'hôtel, oui. La nuit d'hôtel. Bien, donc ouais. C'est vraiment si vous voulez partir en week-end avec toute la famille, vous n'avez pas trop d'argent. Ouais. 39-16, appelez-nous et on vous envoie au parc Astérix sur un quoi d'autre. Il y a 6 jours à Montpellier pour l'électrochoc. C'est enfin, pas à Montpellier, grande mode. C'est sur la plage. Et voilà. Et si vous voulez vraiment qu'on vous envoie des merguez par la poste, 39-16, on a fait un deal avec la poste. Il suffit qu'on mette un timbre. L'adresse sur la gaise et ça part. Vous mettez l'enveloppe au micro-ondes directement et ça se penche comme ça. Nous aurons Didier Deschamps tout à l'heure en ligne. Nous reviendrons sur la petite annonce. Vous savez, on a parlé hier, on n'a pas eu le temps de le faire. Ce couple qui s'est fait avoir parce que monsieur louait l'appartement Airbnb et madame se prostituait dedans, donc monsieur est tombé pour proxénétisme. Voilà. Oui, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, les amis. La dame, elle ne craint rien parce que la prostitution n'est pas illégale, mais le proxénétisme, oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Donc nous verrons si on peut louer officiellement un appartement Airbnb en disant ce qu'on va faire dedans. Ah, si on est honnête, oui. Nous aurons les 10 bonnes astuces pour réussir son barbecue. Ne riez pas, c'est pas si facile que ça. C'est vrai. Nous aurons fera encore des appels avec des jeux de mots tout à l'heure parce qu'on aime beaucoup le faire. Et donc dans moins d'une heure, nous descendrons juste en dessous et nous ferons l'émission en plein air, en mode ambiance barbecue. Il y aura peut-être du bruit, il y aura peut-être des gens qui vont chanter faux. On a mis un terrain de foot. Oui, parce qu'il y a un truc spécial à faire. Voilà, une nouvelle discipline. Nous ferons une nouvelle discipline que nous tenterons en live et puis c'est en hommage à la Coupe du Monde qui démarre aujourd'hui. C'est ça. Oui. Donc ça y est, c'est lancé. Alors on a fait un petit calcul depuis le donc du 15, ça va jusqu'au 15 juillet, je crois. Hein. Ouais. Donc ça veut dire on a fait le calcul, il y a 64 matchs de foot. On va en bouffer. Non, mais c'est pas ça. C'est que souvent quand tu regardes le match de foot, qu'est-ce que tu manges? Des pizzas. Une pizza. Oui, c'est minimum. 64 matchs de foot. Ça fait 64 pizzas. Mmh. Ah oui. En un mois. Ah oulala. Ah ouais. À mon avis, le 15 juillet, tu jettes tous tes jeans, tu rentres plus dedans. C'est fini. Juste avant les vacances. Ah ben là, non, voilà. Là, c'est fini. Tu les verras, les mecs. Tous les mecs qui vont déboutonner le jean. T'as regardé le foot, toi. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça se verra physiquement. Les amateurs de foot, on va les reconnaître. Donc ce soir, le premier match, c'est Russie-Arabie Saoudite. Oui. La Russie mène 2-0. Russie-Arabie Saoudite. Ouais, bon, ça a commencé. Ou alors, on va se dire les choses. Ah ouais. Alors, bon, Russie-Arabie Saoudite. Oui. C'est pas. D'abord, il y a plein de gens qui nous écoutent qui n'aiment pas le foot. Voilà, oui, donc, déjà. À commencer par moi. Ah, et les autres qui sont pas. Parce que Russie-Arabie Saoudite, on va dire que c'est le démarrage. Hein, c'est le mec qui vient faire la première partie d'un one man. C'est, ouais, si, t'arrives en retard, c'est pas grave, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est le warm-up. C'est pas fou. Non! C'est non, on est d'accord. C'est pour chauffer. Russie, Arabie Saoudite, les gars. C'est pas l'affiche du siècle. Hein. C'est comme si, par exemple, je sais pas, on faisait de la radio et on disait 40 minutes de hit sans pub et tu commences avec Chimène Badi et le nouveau Jean-Roch. C'est belle image. Belle image. Et là, ciao. Tu vois, on est un peu dans le. Bienvenue sur Virgin Radio, 18h08. Si jamais c'est Jean-Roch, c'est qui? Si mon écran n'est pas allumé, c'est qui qu'on écoute? C'est Z. Oh, ça va. Et après, il y aura Imagine Dragon, Dua Lipa. Ça va, bienvenue tout le monde. T'as un truc à dire à Coé? Appelle le 3916. Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the just meet me. kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. Merci d'être avec nous comme tous les soirs. J'espère que vous passez un bon moment ce soir. Barbecue Party qui démarre à 19h. Vous suivrez tout en live sur le Facebook Live. Vous suivrez tout sur Virgin Radio. Évidemment, vous aurez les odeurs. Puisque oui. Ce soir, on sera en odorama. Voilà. Il commence à y avoir du monde. Bien sûr, on mettra tout dans une petite capsule et on enverra des petits trucs d'eau. Comme ça, que ça arrive chez vous. Vous ouvrez la bouteille. Ah, c'est comme si j'y étais. Ah, ça sent bon. Ah, c'est comme si j'étais avec eux. Il faut rêver. Non, mais c'est bon. Si vous voulez un supplément ketchup mayo, vous le mettrez dans la bouteille. Hop. On prend comme ça les odeurs et vous sentez chez vous la maison. C'est l'odeur des vacances. Mais toi, pour toi, parce que c'est des vacances, c'est l'odeur de la vie pour toi. Voilà, c'est des vacances qui sont constituées de gras. Mais non, pour beaucoup de gens, il y a du sport, il y a des salades. Ben, je peux faire du sport en mangeant une gaze. Hein. T'as raison. Ouais, je t'avais plus souvent manger des gaz que faire du sport. Hein. Oui, je vais pas faire deux trucs en même temps. En l'occurrence, bon. Vous avez vu, puisqu'on parle football, si vous savez que si ce soir on arrive à être entêté avec le hashtag alors que tout le monde parle de la Coupe du Monde, ouais. C'est que vous êtes vraiment les meilleurs du monde. Hein. Le hashtag c'est barbecue party chez Koé, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup. Donc nous avons une info sur le Mbappé. Alors là, c'est fantastique. Le Manchester United serait prêt à faire une offre au PSG pour racheter Kylian Mbappé. Pas une petite offre, puisque ça serait 270 millions d'euros. Bah, en fait, ils disent que c'est le futur meilleur joueur du monde. Donc c'est pour ça les mecs, il a 19 ans, c'est surtout sur lui. Quoi. Ah, on a oublié un détail, c'est que le PSG n'a pas eu de soucis hier avec la... C'était quoi là? Avec l'UEFA, ils ont été relaxés pour le surplus financier. Ouais. Il y a eu beaucoup de bruit, on disait ils peuvent tout perdre, on va avoir une amende colossale. Et finalement, ça a été non, rien, merci. Non. Par contre, l'OM a pris 100 000 euros d'amende. Et ça te fait rire. Y a-t-il une injustice là-dedans? Je ne sais pas. Ah, ça fait marrer, ça. Il y en a un que ça fait moins rire dans le couloir, mais bon. Non mais 270 millions d'euros. Vous vous rendez compte de ce que ça fait? C'est énorme. Bientôt, il faut vous calmer les gars de Manchester United. Ça va. Bientôt les mecs ils vont payer en pays. Oui, c'est ça. C'est combien Mbappé? La Grèce. Ouais, c'est ça en gros. Ouais. Bon bah ok, je te paye la Grèce, je te rajoute le Guatemala, c'est cadeau. Pour moi, non mais c'est 270 millions. Ouais, c'est fou. C'est énorme. Je calcule en Twingo. C'est un peu. Oui, ça fait. J'ai ma valeur de référence, c'est la Twingo. Bah c'est une Twingo, c'est cher maintenant. C'est non, 15 000. Attends, non, 15 000. C'est une Twingo, c'est 15 000. C'est 15 000, pas une Twingo. Bah non, tu. Non, les nouvelles, ouais. Les nouvelles, c'est 15 000 euros. Une Twingo, ouais. C'est sérieux? Ouais, oui. entre 12 et 15 000. Ouais. On est sérieux là? Équipé, tu montes à 18. Hein. Bon, enfin, équipé, quoi? Des roues? Oui. Vraiment, avec, et le volant. Ok, je vous la prends à 12 000. Hop, 12 000. Bah ça me fait 22 500 Twingo. C'est pas mal? Oui. Ça fait plus que Miko sur GTA. On fait un bisou à Benjamin qui voulait nous dire un petit bonjour. Bienvenue Benjamin, bienvenue, ça va? Salut Koï, c'est tout le monde, ça va? Salut. Oui Benjamin, ça va bien, ça va bien. Oh, j'ai pris un petit coup tout à l'heure dans la rue, je vais être honnête avec vous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit jeune très sympa, genre 25 ans dans la rue tout à l'heure. Ouais. Qui a dit je peux faire une photo quoi, je dis ouais bien sûr, j'ai souri pendant que j'étais en train de sourire, il me dit je t'écoute depuis que je suis en sixième. Et là bon je... Et là je Bah moi c'est pareil. Voilà. Je suis parti miner, j'ai pris 15 ans. Terrible. Pourquoi c'est pareil pour toi? Comment? Et le mec il a 50 ans. Non mais j'avais eu ça une fois il y a pas longtemps, il y a pas si longtemps que ça, un papa avec sa fille, la fille elle avait 16-17 ans, ouais. Le papa je sais pas, une quarantaine d'années, et le père il me dit, hey, la fille c'est une photo, et le papa il me dit, hey, je vous écoutais quand j'étais gamin. Oh non, ça fait mal. C'est Pierre. Je l'ai frappé. C'est parti tout seul. J'ai montré comme ça, j'ai signé deux doigts, puis c'est parti. Bon Benjamin, la galère du jour, je t'écoute. Ouais, moi je. En fait, ce matin j'étais un petit peu en galère, en retard. Mon réveil il a sonné à 7h25 et je dois être à 8h30 au boulot, sachant que j'ai une heure de route. Ah oui, bah c'est mort donc. C'était déjà. Là c'était mort. Alors, je me suis dépêché, j'ai enfilé le costard, je me suis dépêché, j'ai pris la voiture, je suis arrivé au boulot, j'ai ouvert la banque. Ouais, je suis banquier. Et comment il place mon, ça. J'ai mon costard et putain, je suis aux chaussons. Ah, oh, c'est possible. Pas vrai, t'as pas regardé les chaussons, ça n'existe pas. C'est mon cauchemar. Mais c'est dans mes. Pardon, oui, mais c'est des cauchemars dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, moi. T'es sérieux, Jeff? Un dimanche matin, je devais aller à la petite supérette du bas, parce qu'il manquait. T'as gardé les chaussons? Et j'ai mis, genre, j'ai mis mon pantalon, mon jean, et machinalement, j'ai remis mes chaussons. Et je suis arrivé au Franprix, merde, chaussons. Chaussons. Bon, ça va, je suis dans un quartier où ça se fait relativement. Ouais, ouais. Il t'appelle le beauf maintenant dans le quartier. Chaussons. Quand tu te réveilles à 7h25 et oui. À 7h31, tu es dans la voiture. Oui, bien sûr, évidemment. Pas lavé, une haleine de phoque, les cheveux à la verticale, oui, la trace de l'oreiller, tout va bien. Je t'embrasse mon petit Benjamin, gros bisous, à bientôt. Bisous. À bientôt. Il a pas parlé des chaussons, à l'occasion c'était les Snoopy ou les licornes. Les chaussons licornes, c'est mignon. A tout de suite, on revient. Depuis 4 ans, vous entendez des voix qui vous réveillent, vous emmènent travailler et vos matinées ne sont plus les mêmes. Le 29 juin, préparez-vous à vivre un dernier réveil exceptionnel. Camille Combal et l'équipe du Virgin Tonic vont vous inviter au Grand Rex à Paris. Virgin Tonic. Bonjour, bon réveil. 2500 personnes dans une salle mythique pour vivre avec eux une émission hallucinante. Avec Jane. Eddie de Preto. Amir. Christine and the Queens. iPhone et Synapson. Tous réunis sur scène pour une matinée légendaire. Le 29 juin, vous pourrez vivre dans le Virgin Tonic le dernier réveil de Camille Combal. Gagnez vos places tous les matins dans le Virgin Tonic et sur virginradio.fr. Moi, j'ai un super pouvoir, très utile en plus. Le pouvoir de sauver des vies en donnant mon sang. Et vous aussi? Alors, à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, partageons tous ensemble notre pouvoir. Avec plus de 1000 collectes partout en France du 11 au 17 juin, ça n'a jamais été aussi facile de donner son sang. On vous attend. Plus d'infos sur le site de l'établissement français du sang. Avec les crédits conso du Crédit Agricole à taux spécial, encouragez les bleus à domicile. Devine quoi? On part soutenir l'équipe de France. Waouh, trop bien! Je prends quoi? Tes potes, mes potes et hop, direction le salon devant la nouvelle télé. Télé, meubles, déco, avec les crédits conso du Crédit Agricole, équipez-vous pour soutenir les bleus à domicile. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 15 juillet 2018, voire conditions en agence et limite au contrat sous réserve d'acceptation par votre caisse régionale participante prêteur. Vous disposez d'un délai légal de rétractation. Showroom privé présente. Une robe pour le boulot, une robe pour Vargilo, une robe pour un pince-fesse, une robe pour la messe. Petite robe d'été ou grande robe de soirée, une robe très oh là là, robe ceci, robe cela, avec showroom privé. Vraiment, faut pas se priver. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques. Avec l'appli showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Ah, belle voiture, vous aviez raison. On peut tester un dernier truc avec mon mari. Ah oui, allez-y. Allez chérie, on fait comme on a dit. Ok. Carton rouge, pénalty pour l'équipe adverse. Ok, c'est bon, on apprend. Volkswagen, à l'épreuve des supporters. En ce moment, profitez du crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 277,78 €, montant total dû 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes ce week-end. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est le mois des estivales chez Carrefour, avec des offres exceptionnelles sur plein de produits. Par exemple, le troisième pack de Coca-Cola est remboursé. Alors j'ai fait le tour du bureau et j'ai demandé, avec ou sans glaçon, avec ou sans citron. Résultat des courses, j'ai été élu meilleur collègue de la boîte. C'est le mois des estivales dans vos

les embouteillages, quoi de mieux qu'une émission de 3 heures qui passe en 3 minutes. Koé. 18h-21h sur Virgin Radio. Hashtag barbecue party chez Koé sur Twitter. Je vous rappelle, si vous la mettez en TT, alors là, vous êtes les meilleurs du monde parce que ouais. Ce serait incroyable. Je vous rappelle également que nous avons testé un terrain de foot en bas. Oui. Je vous dis pas tout de suite. Je vous expliquerai les règles du jeu du terrain de foot tout à l'heure. Le barbecue va partir à 19h. Il y a déjà plein de gens qui sont en train de boire, comme me dirait Stouff. Tout ce qu'il y a. Stouff, elle n'est pas bien. Elle est en tremblement. Elle fait ils vont tomber. T'as remarqué, c'est des gens qu'on n'a jamais vus. C'est fou quand même. Mais vous savez quoi, on a dit aussi que s'il y avait des gens qui venaient d'ailleurs, ils pouvaient venir. Oui. Des gens d'ici qu'on ne connaît pas, c'est quand même étrange. Enchanté. Non, c'est vrai, il y en a beaucoup qui bougent que quand il y a de la bouffe. Hein. Allez. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils le sentent comme ça. Ouais, d'accord. Mais les autres jours, tu peux dire bonjour. Quand tu sais quoi, il est vénère. Moi, je suis hyper corporel. Je passe des gens dans le couloir. Tu sais qu'ils nous entendent tous. Eh bien, je vous salue. Bon appétit. Tu sais que c'est flippant parce que je viens de remettre la tête dehors et j'ai toute la cour qui me regarde comme ça. Et là, il y en a la moitié qui sont partis. Pas moi, c'est Miko. Laissez-nous un peu de bouffe quand même. J'ose pas lui regarder, j'ose plus me retordre. Vous suivrez tout sur Facebook Live dès 19h. Voici le débrief de l'émission d'hier. C'est parti. Tu veux un jingle? Tu veux un jingle là? Bah, si tu veux. Je veux un jingle de débrief de Bichette. C'est le débrief. Hey, c'est le débrief. C'est le débrief de Bichette. Le débrief, je vais vous faire le rebrief mardi prochain, émission en public. Oui. Avec Thomas Soto, Patrick Chenet, avec Lucien Jean-Baptiste, j'adore ce comédien. Oui. Et avec Michael Youn qui nous rejoint. Yes. Oh, cool. Mardi prochain et avec Gaëtan Roussel. Qu'est-ce que c'était bien, vous vous souvenez de ça? Je me pose et on lui posera mardi, est-ce qu'il chante encore un petit peu de Louise Attaque quand il fait un concert ou plus du tout? Il en fait. Quand même, il peut pas ne pas faire ça. Il en fait. Elle est pas terroriste, elle est pas anti-terroriste. Il a une voix incroyable, elle est pas moche non plus. Miko ne connaît pas du tout, mais c'est pas grave. Je t'emmène au vent, tu la connais celle-là? Allez, viens, je t'emmène au vent. Et ça, vous savez quoi? Quand vous mixez dans un énorme club, même entre trois titres électro, vous mettez ce morceau de Louise Attaque. Il y a deux titres que tout le monde peut mettre, c'est ça et un Joan Jett I Love Rock'n'Roll. Oui, c'est vrai. À n'importe quel moment, vous pouvez le mettre, même si vous jouez pointu, même si vous êtes dans un festival, même si c'est ultra branché Synapson, à un moment, vous mettez ça et tout le monde va se retourner. C'est un truc de fou. Hein. Ça, c'est grâce à l'alcool. Ça. Mais oui, il y a même Justice, la dernière fois, ils avaient mixé Joan Jett. Ils avaient même été très loin, ils avaient mixé même pire que ça, je crois. Oui, des trucs des années 70, mais genre de générique de télé des années 70. Mais parce que Justice, ils sont arrivés à un niveau, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Exactement. Et les gens, ils applaudissent en plus. Bichette, il y avait quoi hier? Alors, hier, on a fait un appel à Castorama et pour le Kinimio entre Castorama et Leroy Merlin. Alors ils ont chacun leur problème. Il y a Leroy Merlin qui n'arrivait pas à trouver la pompe avec la référence. Et la SP6 Non, c'est Leroy Merlin qui n'arrivait pas à trouver. Hein. Oui, c'est ça. Leroy Merlin n'arrivait pas. Et Castorama, eux, bah lui, c'était un autre problème. C'est quoi le slogan? C'est quoi le slogan chez Casto déjà? Ah, faut réviser. C'est quoi le slogan de Leroy Merlin? que vos envies prennent vie, moi je le connais. Ah oui, Monsieur Castorama elle a raison, elle connaît son slogan, elle. Moi je connais mes références. Allez, bon, ça c'était fait. Ah oui, c'était violent le fight. Wow. C'était drôle. Ouais, ça c'était bon. Et on peut passer le deuxième aussi, le deuxième slogan. Mais c'est parce que c'est la batte. Écoutez bien ce que dit le monsieur. Ah oui. Parce que je lui parle du slogan, je lui dis chez Cato, il y a tout ce qu'il faut. Et je commence à lui dire outiller. Et je lui dis outiller pour qu'il me dise matériaux. C'est le jingle. Mais écoutez, Kevin, la prochaine fois, chez Casto. Il y a tout ce qu'il faut. Outiller. Moi, je suis à Caen. Outiller. Bah, je suis à Caen. Mais outiller. C'est drôle. Mais outiller. Tu m'as pas dit outiller. Je suis à Caen. Non, il est magique. On a reçu une voyante hier. Alors, je vais juste vous donner la réponse la plus courte de toutes les voyantes, en fait. Bah, je voulais savoir si mon ex-femme allait revenir avec moi. Ah. Ouf. Ça, c'est pas gagné. Ah bon? Là, honnêtement, ça me dit non. Eh ben, pêcheur dehors. Voilà. Écoutez, pas d'espoir, pas de rêve. Voilà. Rien. C'était direct. Voilà. Le gars est en train de faire un nœud à sa corde. Il l'a fini. Hein. On continue. Et en début d'émission, on a parlé de Johnny. Parce qu'on en avait marre de voir qu'à chaque fois qu'il y avait une émission télé, ils mettaient Johnny dans le titre pour faire de l'audience. Oui, c'est vrai. Alors, voilà, voilà ce qu'on a dit. On a l'impression qu'il faut mettre le mot Johnny dans tout au moins une fois par semaine. Ah ouais, ouais. Étaler mon beurre sans Johnny. J'achète mes bières sans Johnny. C'est ça. Je conduis mais il n'y a plus de Johnny. Ouais, mais, non, mais tu vois, on a l'impression qu'il faut mettre Johnny dans chaque titre parce qu'on se dit quand même. Je pense que toutes les chaînes vont mettre du Johnny parce qu'ils se disent les gars, il y a un filon. Alien versus Johnny. Retour vers le Johnny. Silence, silence, Johnny pousse. Voilà, à partir de maintenant, ok, jusqu'à 21h, Johnny Slash sur Virgin Radio. Restez avec nous, parce que ça, il va se passer pas mal de choses. Sur Virgin Radio, sur Virgin Johnny. Du coup, Fredo, je sais pas s'il m'entend là. Si, il est en train de voir. Fredo, mais j'ai un concept pour lui pour l'année prochaine. Ah, Fredo, viens voir, il paraît qu'on a un concept pour vous. Monsieur Bichette voudrait vous faire écouter ce concept. Mettez le casque. Ne faut pas souffler. Attendez, l'OM a pris 100 000 euros d'amende. Il est en dépression, je pense. Nouveau concept. C'est Johnny sur Johnny Radio. On vient de finir 40 minutes de son Johnny non-stop. Ça va revenir très très vite avec tiens, Johnny à tour. Tu voudrais écouter quoi toi? Moi j'aimerais bien écouter le dernier Johnny Vianney. C'était ou pas là? Ah, il est énorme. Johnny Vianney, c'est calé pour continuer ma playlist sur Virgin Radio avec aussi Johnny Oshi. Et très très frais, ça on adore. Et puis avant de retrouver Johnny Slash à 18h et les meilleurs moments de Johnny Combal à partir de 21h sur Johnny Radio. Et ça c'est plutôt cool. Ben voilà, non parce que Fredo, il a raté le début mais c'est vrai qu'il faut mettre Johnny dans tout. Donc Monsieur Victor. Qu'est-ce que t'en penses Fredo? T'en penses quoi Fredo? C'est quoi? C'est une belle maquette. Tu es pris. Bravo. Je teste des trucs. Et ton nouvel horaire, ce sera entre Johnny et Johnny 30. Cool. Seulement le Johnny. Et on finit avec l'homme qui se kiffe. L'homme qui s'auto-kiffe. Martin Solveig, moi, Synapson, moi, Petit Biscuit, moi. Mais les autres, je connais pas. C'était l'homme qui s'auto-kiffe. Eh ben oui, je me place dans l'électrochoc. Je me suis placé un peu souvent. Vous voulez aller faire un tour à la Grande Motte à l'électrochoc du 29 juin? Le principe est extrêmement simple. 39-16, mais nous allons faire un fight. Oui. Pour cela, il va falloir que les gens qui ne s'aiment pas se réunissent. C'est un petit peu Corée du Nord, Corée du Sud, Donald Trump, Kim Jong-un. C'est ça. Le principe, c'est qu'il va falloir se kiffer, il va falloir céder, puisque je ne prendrai qu'une réponse avec deux personnes. Ce soir, nous avions déjà pris les habitants de Saint-Etienne contre Lyon, nous avions pris Strasbourg contre Mulhouse, nous avions pris Lille Marseille. Contre Lens, Marseille, Paris. Eh bien, ce soir, puisque le thème, c'est barbecue party chez Koé, ce soir, je prendrai les fans de barbecue contre les fans de plancha. Et croyez-moi, Non mais là on est en train de toucher là, et là il y a des gens qui nous écoutent en voiture, ils font oula, c'est pas pareil. C'est tendu là. Vous êtes fan de plancha, 39-16. Vous êtes plutôt fan de barbecue, vous détestez la plancha, 39-16. En revanche, je vous ai préféré la plancha parce que le barbecue se fait des odeurs, 39-16. D'accord? Appelez-nous, vous jouez, je vous envoie faire un tour là-bas à la Grande Motte et ça va être un vrai kiff. Dans un instant, nous justement. Le retour du vieux. Ah, il va acheter son barbecue, mais il hésite, électrique, à gaz. Oh, il sait plus, Et il a faim, il a faim. Oh, il sait plus. Il y aura Fabrice également qui nous parlera d'une anecdote à une soirée barbecue. Tu bouges pas. Fabrice, tu ne bouges pas? Non, je ne bouge pas, Koé, vous allez bien? Oui, on va très très bien. Ne bouge pas, à tout de suite. Qu'est-ce qu'on écoute? Balance tes snaps à Koé. Koé, off! C'est Johnny Go. It never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Reminding me to forget. Reminding me I got these scars to get your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. You left your faith in my heart. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me, so I try to forget the memories. Cause baby it hits so hard, I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby I got these scars, reminding me to forget. You left your mark, you left your mark, reminding me to forget. You left your mark, you left your mark. Remember, I told you to save it, it's over, and I'll be alright. So hurt me as much as you like. Merci d'être avec nous sur Virgin Radio dans moins d'une demi-heure, dans 20 minutes. Nous aurons le barbecue party, c'est le hashtag de ce soir, hashtag barbecue party chez Koé. Vous pouvez nous le mettre en tête, j'en suis sûr. Ah oui. J'en suis sûr. Il y a un monde là, j'ai jamais vu autant de gens dans. Il y a Miko qui est en panique. Ah ouais, il est vénère. Il est vénère. Non, les amis, ça fait deux jours que vous me saoulez en disant on met partout des affiches et les affiches elles sont enlevées. Oui. Les gens les ont vues les affiches. Regardez, ils sont là. Alors quand vous mettez des affiches, vous voulez qu'il y ait des gens qui viennent. Quand il y a des gens qui sont venus, ça va pas. Mais on est content, c'est Miko qui stresse un petit peu. Ouais. Il y en aura encore, t'inquiète. On a mis les trucs de côté pour nous quand même. Mais il ne commence rien avant 19h30. Mais je les vois en train de marcher les voir là. Mais là c'est le before. Il n'y a plus le before. Ils l'ont mangé before. Je fais Fabrice ou je fais Truffaut. Stouff. Truffaut. Je rappelle qu'il y a 3000 euros à gagner cash et 1000 euros. Valable chez les hôtels F1 pour faire un road trip avec 4 de vos copains. Ça veut dire que vous allez où vous voulez, quand vous voulez, vous partez en vacances, vous faites ce que vous voulez, vous aurez 1000 euros dans les hôtels F1 pour dormir autant que vous voulez. Tout génial. Oui. D'accord. Et 3000 euros de cash pour partir. C'est bon ça, non? Très bien. Pour ça, sur tous mes réseaux sociaux, sur Facebook, partout, dans ma story, sur Insta, sur Twitter, on vous a mis des photos. Reconnaissez l'endroit, vous mettez dans les commentaires et on va faire un tirage au sort vendredi. Quelqu'un va gagner les 3000 euros. Et les 1000 euros chez les hôtels F1. Alors là, bravo, voilà. Pas une erreur. Non, non. Bravo. Il a compris. Il a compris. Bravo. Mais en même temps, on est jeudi. Hein. Il était temps que je comprenne, hein, parce que ça se termine demain. Hein. Donc voilà. Ça va, vous? Ça va. Oui, bah, bien. Je suis impressionné. Là, t'arrives d'être fort. Ah oui. Être fort. Bon. Moi, ça me fait plaisir. J'ai écouté Gaëtan Roussel. Il va venir le voir mardi, j'adore Gaëtan Roussel. T'as vu Jeff? Oui. Le Facebook, j'ai bien vu ton truc. Tu m'as envoyé une petite notification sur mon Facebook. Oui. Je suis désolé, c'était pas voulu. Pour une fois que tu m'acceptais. Bon, sinon, nous aurons Fabrice dans un instant. Je veux acheter un petit... Barbecue. Ah voilà. Oui. Oh, j'hésite. Il y en a plein. Oh, électrique, charbon. Qu'est-ce que je vais prendre? Oh, j'hésite. Lequel je vais prendre? Je suis tout perdu. Tout perdu. On va aller au Mans, tiens. Tout perdu. C'est bien le Mans. C'est bien le Mans. Oui. Eh ben, dans la cour, dis donc. C'est jeune. Oui. Hein. Ah là là là. Allô? C'est là, bonsoir. Bonjour, les barbecues, s'il vous plaît. Oui, je n'inquiétez pas. Merci, madame. Bonne soirée. Merci, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Direct. Bah, évidemment, tu demandes les barbecues. Oui. Sinon, je tombe sur la fille de l'accueil. Elle ne les vend pas, les barbecues. Demandez les barbecues. Ah bah, il y a un rayon barbecue. Bah oui. Là, je vais tomber sur le spécialiste. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis au barbecue. Oui. Oui, bonjour, madame. Voilà, bonjour, je vous appelle parce que j'hésite entre un barbecue à gaz. Oui. Un barbecue électrique. Oui. Ou un charbon. Ah, c'est pas pareil. Bah oui. Alors, c'est lequel le mieux? Ah bah, il n'y a pas de mieux, ça dépend ce que vous souhaitez. Bah, à faire cuire. Vous voyez, faire un barbecue. Parce que le oui. charbon, en fait, le gaz ou l'électrique, c'est rapide. Oui. Le charbon, vous avez besoin de me faire votre braise. Parce que je n'ai pas de gaz à la maison. Comment ça fonctionne? Bah, avec une bouteille. Ah oui, mais ça, c'est un coup. Est-ce que je laisse le gaz allumé, je fasse péter la baraque? Ça, c'est dangereux, non? Bah, c'est à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur, normalement. Alors, l'électrique, c'est bien? Bah, l'électrique, c'est rapide, mais par contre, c'est des plus petites surfaces. Ah oui, puis j'ai peur de passer pour un baltringue auprès de mes amis, parce qu'électrique, c'est pas un vrai barbecue, c'est un truc de parisien, ça. Bah, c'est des plus petites surfaces. Oui, bon. Je vais rester. Après, combien vous avez de convives? Deux. Combien vous voulez de cuisson, en fait? Pour combien de personnes vous voulez faire votre barbecue, en général? Tout seul. Si c'est pour 4 personnes, si c'est pour tout seul, si c'est pour 12. Tout c'est seul. Pas les mêmes types de barbecue, c'est non, pas les mêmes types de cuisson. Je suis tout seul. Bah, faut un petit barbecue. Ouais. Bah oui. Mais bon, si je vais vous rester. Vous n'allez pas épater vos amis si vous êtes. Oui, mais oui, oui. Ah oui. Oh, j'hésite. Oh là là. Qu'est-ce que vous prendriez, vous? Ah bah ça dépend de ce qu'on veut faire. Bon, je vais peut-être prendre un traditionnel avec du vrai charbon de bois. Oui, c'est un petit peu plus loin à chauffer, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire à la viande. Hein. Qu'est-ce que je peux faire cuire dessus? Et après, ah bah de tout. Comme de tout, de la viande, j'aime du poisson. Pas. Du vous poisson pas la viande, non. Pas le poisson. Le poisson non plus. Il y a du poisson. On peut faire du poisson. Bien sûr, du j'aime poisson, pas. Des légumes, des j'aime fruits. Pas. J'aime pas des fruits. Oui. Ah non, j'aime pas. Est-ce qu'on peut chauffer une soupe sur votre barbecue? Une soupe, bah oui. Je suis soupe gane. Sur du barbecue gaz, c'est possible, et électrique aussi. Sur du charbon, ça va être un peu plus compliqué. Ah, parce que, voyez, moi, je me nourris que de soupe. On est soupe gane. C'est une nouvelle tendance. Je vous le prends quand même. Voilà. Voilà, très bien. Par contre, j'habite en appartement sur un sans balcon, ça gêne ou pas? De quoi? Un barbecue? Oui. Ah, c'est un peu embêtant, oui. Ah, fait de la fumée? Je vais être froid avec vous, si j'achète le barbecue, c'est pour faire chier les voisins en les enfumant. Mmh. Moi, je n'aime pas ça. Ça fait beaucoup de fumée? Un peu quand même. Et si je fais un barbecue et je vous l'achète, vous venez dîner avec moi? Je viendrai pas dîner avec vous. Pourquoi? Parce que je vous connais pas. Pourquoi? Parce que je vous connais pas. S'il vous plaît. Je suis seul. J'aurais aimé partager avec vous. C'est bien dommage, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'ai pas fini. J'aurais aimé qu'on partage ma soupe. Oh, bah, mais moi j'aime pas la soupe. J'ai fait une soupe à l'oignon aujourd'hui avec que des oignons en morceaux. On mangera ça les yeux dans les yeux. On aura nos fils de gruyère qui vont se relayer comme ça. Et bonne on pètera journée, toute monsieur. La nuit. Comment? Je vous souhaite une bonne journée. Sinon, j'ai de la soupe au potiron. Elle n'est pas soupe, Gann. Elle n'est pas soupe. Elle n'est pas soupe, Gann. Elle n'est pas soupe, Gann. Pas soupe, Gann, madame. Non, j'ai tout essayé, ça marche pas. Ça marche pas, je pensais que je pouvais draguer en achetant un barbecue, non, ça marche pas. C'est la soupe qui plaît pas. Ça marche pas, c'est dommage. Allez. En tout cas, tu l'as fait rire. Ouais, j'ai essayé. Eh, femme qui rit, femme à moitié devant son barbecue, c'est connu. C'est dit aussi. C'est connu, je m'appelle Koé, on est sur Virgin Radio et vous êtes très bien, vous les autres. Vous êtes adorable. Votre prénom, c'est? Je vous donne pas mon prénom. Bah pourquoi? Alors bah pourquoi? Moi je vous donne le mien, je m'appelle Sébastien. Mais attends, moi je suis très entreprenant. Bah oui, je suis très entreprenant, mais vous savez qu'on est en direct sur Virgin Radio dans toute la France là. Mais bonne journée à vous. C'est quoi votre prénom? C'est quoi votre prénom? Au revoir, bonne journée. Votre prénom? S'il vous plaît, madame. Seulement le prénom. Prends-moi ton prénom. Elle est partie. Mais la première lettre au moins. Comment? La première lettre au moins. Non, c'est fini, elle a raccroché. Bon, ça sert à rien. Elle est partie. Bienvenue sur Virgin Radio. Dans un instant, Fabrice nous racontera ce qui s'est passé à son barbecue. Nous commençons dans 15 minutes pile. Ouais. Barbecue party chez Koé. Avec le hashtag devant. Jouez avec nous, réagissez. First, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, oh. masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Radio. Merci d'être avec nous, j'espère que vous passez un bon moment et que vous rigolez avec nous. Voilà, je voulais juste revenir sur la vanne. Allez, c'est où le truc de Monsieur Mbappé hier à la télévision? Là, là, tu l'as là. C'est où, c'est oui, quoi? Le malaise. Ah, magnifique, c'est magnifique. Quoi, très beau malaise. Magnifique. Au tableau, c'était au ça. Au tableau, qui n'a pas marché beaucoup d'ailleurs. Ah oui? Mais ça, vous savez, c'est un vrai problème. On en parlait la dernière fois à la télé. On en parlait. Quand il y a des joueurs de foot qui jouent. Oui. Ça cartonne. Mmh. Dès qu'il y a des joueurs de foot qui parlent, tout le monde s'en fout. Ouais, les gens, tu peux inviter Zidane, tout qui tu veux, ça ne les intéresse pas. Ils veulent Zizou, les voir jouer. Si, Zizou quand même. Mais ils partent aussi du principe. Les interviews, ça marche pas. Ouais. Ben Mbappé, il est malin, il est intelligent. Mais par contre, ouais, pour le coup, Mbappé, lui, je crois que c'est un des seuls. Je crois qu'il a collecté tous les cerveaux de tous les joueurs de ces 20 dernières années, Mbappé. Oui. Non, mais il est malin. Mais bon, il est malin, mais il y a un moment. Ah, il y a une faiblesse. Ah, il y a une petite faiblesse. C'est tout ça à cause d'une. Petit garçon ou d'une petite fille? Plusieurs, je crois qu'ils sont plusieurs. Il l'a pas vu venir. Il l'a pas vu venir. Il était détendu, mais il l'a pas vu venir celle-là. Vous gagnez combien par mois? Il l'a pas vu venir. Il l'a pas vu venir. Il était prêt à ce qu'on lui dise. T'as travaillé à l'école. Il avait tout bossé. Mais alors, écoutez bien la réponse. Bon je sors les rames, le moteur, je pédale et je rejoins la rive. Vous gagnez combien par mois? Alors, d'abord, analysons ce rire gêné. Je vous propose d'analyser ce rire qui est un rire... Ce petit blanc déjà. Qui est un rire totalement, totalement gêné, qui est le rire de « je gagne du temps » et le rire de... Je sais pas quoi dire. Parce qu'un rire normal n'existe... Un rire normal, ce serait... Mais attendez. Ouais. Ah. Mais quelqu'un qui te fait... Mais bien, c'est ça. Voilà, là on est gêné. Vous gagnez combien par mois? Normal. Je suis pas à plaindre. Combien environ? Beaucoup. Beaucoup, c'est pas un chiffre. Un chiffre entre 1 euro et 20 millions. Voilà. On remerciera l'enfant de Jean-Jacques Bourdin, hein, qui est à l'école. Combien? Le tri à 5 ans. Le tri à 5 ans, c'est combien? C'est pas une réponse. Les Français veulent savoir combien? Le petit qui mue à 5 ans. On veut savoir combien? Le ticket de métro, combien? C'est pas possible. Comment? On l'a briefé, le petit. Je pense, oui, oui. Ah, mais ils sont briefés, les gamins. Attendez, ça, c'est pas non plus des gamins qu'on dit. On les briefe. C'est vicieux, du coup. On les pousse un petit peu et surtout, on leur dit, allez-y, poussez les dans leur retranchement. C'est vicieux. Entre 1 euro et 20 millions. Ouais, large, hein, la fourchette. Oh, on est plus proche des 20 que du 1, je donne la réponse. Le curseur, il est plus vers la droite. Tout de suite, on revient. Barbecue. Demain, 21h, 22h. Jane fait sa playlist sur Virgin Radio. C'est Jane sur Virgin Radio. La pop star Virgin Radio a préparé une playlist exclusivement pour sa radio. Virgin Radio. Demain, 21h, 22h. La playlist de Jane est à écouter exclusivement sur Virgin Radio. Les routes de France vous réservent des expériences du bout du monde. Hôtel F1 a créé FrenchTrip.fr pour construire des itinéraires insolites, dépaysants et partout en France. Parce que l'esprit du road trip n'est pas une question de frontières. Votre tour du monde sur les routes de France commence sur FrenchTrip.fr. Hôtel F1, on the road. Sur la route, road trip, voyage sur la route. Il pleut encore là? Ah bah super l'été. La pluie? Ah mais non, c'est Loïc. Depuis qu'on a une nouvelle douche avec fonction jet-pluie, il a jamais été aussi détendu. Ah ouais? Peut-être que ça me ferait du bien aussi une petite pluie. Cet été avec Ikea, vous allez adorer la pluie. Rendez-vous vite en magasin ou sur Ikea.fr pour rafraîchir votre salle de bain et découvrir toutes nos nouveautés. Comme l'ensemble douche plus mitigeur thermostatique Brogrund à 179 euros. Ikea. Showroom privé présente... Revoilà le beau temps, revoilà le printemps. À nous les crèmes solaires, les petites chaussures légères, les robes qui font scandale et les petites sandales. Chemise légère pour lui, maillot de bain de petit. Avec showroom privé, à moi le bel été. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques. Avec l'appli showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Bien sûr, on pourrait prendre une voix suave et élégante pour vous parler de la Volvo V40 nouvelle édition et vous dire « Jante alliage 17 pouces, toit panoramique, sellerie exclusive. » Mais bon, on a pensé que vous aimeriez surtout savoir qu'en ce moment, la Volvo V40 nouvelle édition est à 265 euros par mois et cela sans apport et sans condition. C'est aussi ça, le minimalisme suédois. Location longue durée, 48 mois sans apport pour une V40 édition neuve. 40 000 km, entretien garanti offert jusqu'au 31 août, si accord Volvo Car Finance. Détails aux frais réseaux participants sur volvocars.fr. J'aime les plages désertes. Me retrouver seul face à l'immensité de l'océan. Et partir en jet ski à fond dans les vagues. Alors les dauphins, on fait la course. Jusqu'au 18 juillet chez Chris, pour l'achat d'une paire de solaires d'un montant minimum de 60 euros, Chris vous offre la deuxième. Classique ou sportive, vous trouverez forcément les lunettes de soleil qui vont de pair avec vos envies. Chris, vous allez vous aimer. Chris, opticien officiel du Tour de France. Valable dans les magasins Chris et sur Chris.com sur une sélection de montures. Offre non cumulable avec des promotions en cours. Conditions en magasin ou sur Chris.com. Salut, Samandine sur Virgin Radio. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Venez vivre ou découvrir l'expérience du don de sang. C'est un moment de partage convivial et de solidarité. Ne le loupez pas, hein. Les malades comptent sur vous. Qui a dit le bonheur vous va si bien? Et le bonheur, c'est d'acheter de plus en plus et de dépenser de moins en moins. Découvrez les ventes qui ne se privent pas chez Kiabi. Plus vous achetez, moins vous payez. Pour 2 articles, profitez de moins 20%. 3 articles, moins 30. 4 articles, moins 40. Et 5 articles, moins 50%. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Du 13 au 26 juin, sur articles signalés. Conditions, magasin et kiabi.com. Toyota. Nous choisissons la ville et les grands espaces. Nous choisissons le plaisir de conduire et le silence. Nous choisissons une technologie sans contrainte. Nous sommes déjà plus de 11 millions. Et ce n'est qu'un début. Nous choisissons l'hybride. Nous choisissons l'hybride. Vous aussi, rejoignez-nous. De la Citadine au SUV, il y a forcément une Toyota hybride faite pour vous. Et pendant les journées hybrides Toyota, profitez de la prime à l'hybride Toyota jusqu'à 4000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulables jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Bouygues Télécom. Regarde cette sublime photo des filles et moi. Waouh, vous êtes sublime. Tu t'es offert un photographe professionnel, avoue-le. Non, je me suis offert l'incroyable iPhone X à un prix incroyable lui aussi. Ah bah tu sais faire ton petit effet toi, hein. Et oui, en ce moment, chez Bouygues Télécom, pour l'achat d'un iPhone X avec un forfait sensation avec avantage smartphone, profitez de 200 euros offerts pour la reprise de votre ancien téléphone et de 180 euros supplémentaires remboursés sur demande. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition pour la reprise d'un mobile d'une valeur minimum de 100 euros, engagement 24 mois et conservation du numéro. Les voyageurs à destination de Moréa, Cuba et Hawaï sont invités à se présenter Porte Hesperide pour découvrir la collection de mobilier de jardin. Avec Hesperide, évadez-vous en restant chez vous. Embarquement immédiat sur hesperide.com. Mes lunettes, moi aussi, j'adore les changer. Ça tombe bien, Sharon. La nouvelle collection Chin Chin, elle est exceptionnelle. Moi, je veux bien tout changer, mais surtout pas mon opticien. Moi, c'est Afflelou. Chin Chin spécialité, c'est deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Et c'est jusqu'au 15 juillet. Voir conditions en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Cécile. Oui, Sébastien. Puis-je te susurrer quelque chose à l'oreille maintenant? C'est perso? Ultra perso. Ce sont les jours C'est maintenant chez Citroën. Et nouveau Citroën C3 Aircross ultra personnalisable est à un prix sans sas. Et c'est maintenant qu'il faut en profiter? C'est ça. Pendant les jours C'est maintenant, nouveau SUV Citroën C3 Aircross avec 90 combinaisons de personnalisation est à partir de 159 euros par mois. Entretien et garantie 3 ans. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. LLD 36 mois 30 000 km, premier loyer de 2200 euros réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr. Virgin Radio. Virgin Radio TV. Regardez dès maintenant tous les clips de votre playlist pop, rock, électro, où vous soyez. Hi, this is Christian, the man Coldplay. Hi, this is Julian Preta. Bonjour, c'est Stromae. Hey, it's Ed Sheeran. Regardez mes clips. Make sure to watch me live. Virgin Radio TV. Virgin. Retrouvez vos artistes préférés. Chaîne 152 de votre télé orange sur Dailymotion. Et sur virginradio.fr. Virgin Radio TV. 100% music. Sur tous vos écrans. Rock. Electro. Il est 19h sur Virgin Radio. Et si vous donniez du peps à votre soirée en mettant un grain de folie dans votre dîner avec le maïs Bonduel? Pour votre santé, évitez de grignoter. Ça y est, vous êtes prêts? Ce soir, émission spéciale Barbecue. C'est qui? Comment vous faisiez avant? Bon appétit, merci d'être avec nous. Je dis bon appétit parce que si nous avons décidé de réunir plein de gens, de pas mal de tous les gens d'Europe 1 qui sont là. Il y a du monde de où? Il y a du monde, il y a des gens d'RFM, je pense. Il y a des gens de Virgin Radio. Il y a toute surtout, la maison en fait. Il y a des gens que je n'ai jamais vus de ma vie. Donc on est d'accord. On est d'accord. C'est parce qu'on a lancé, on a dit venez, les gens viennent. Comme McDo, venez comme vous êtes. En même temps, on peut pas connaître tous les services non plus. Bien sûr. On aurait dû mettre un mot de passe. C'est vrai. Alors, vous savez quoi? On peut mettre un mot de passe pour la sécurité. Ah on ouais. est descendu, hein, là on est dans la cour maintenant. On oui. est en Facebook Live. Ah, on est oui, sur oui. Facebook Live. Venez, je vais donc vous présenter. Venez, je vais vous présenter les différents rayons alors puisqu'on est en Facebook Live. Ne bougez Vas-y. Pas l'équipe. Alors, T'inquiète. Donc nous avons ici un petit terrain de football qui va donc servir dans quelques minutes puisque nous allons faire un nouveau jeu qui s'appelle le Foot Dance. Qu'est-ce que le Foot Dance? Qu'est-ce que le Foot Dance? Le Foot Dance, c'est simple. C'est trois personnes contre trois personnes. Ouais. Parce que c'est un petit terrain. Ouais. Et vous devrez jouer au foot tout en dansant sur la musique que je diffuse. J'adore c'est-à-dire le concept. Que si par exemple c'est disco, vous dansez le disco, mais vous devez jouer au foot en même temps. Ah, j'adore. Et quand je change de musique, on change la façon de danser. C'est bien ça. Danse avec les stars du foot. Voilà, restez avec nous, vous verrez ça dans un instant. Je pense que ça va être ridicule. Nous avons plein d'amis. Bonjour les amis qui sont. On s'en fout parce qu'ils m'écoutent pas. De toute façon, il n'y a pas de haut-parleur. Pourquoi je dis ça? Pas de haut-parleur. C'est moi qui invite et même pas qui disent bonjour. Bon, et là-bas, dans le fond, ce que vous ne voyez pas, c'est le barbecue. Et nous irons tout à l'heure puisque nous allons décider de faire un barbecue dans le 8e arrondissement de Paris. So chic! C'est le summum du boboïsme. Ouais, oui. Faire un barbecue à côté des Champs-Elysées, c'est pas beau ça? C'est clair. Mais oui, mais c'est du Eddy de Préto, tu chantes des textes branchés en jogging. Voilà. Mais c'est ça, tu mets une casquette, tu chantes en jogging et les gens trouvent ça branché, tu fais la couve de Technicart. Absolument. Et voilà. Et voilà, et bah c'est ça maintenant. Manger de la merguez à côté des Champs-Elysées, c'est branché. On va avoir un article dans Télérama. Hein. Ah, mais bien sûr, on n'est pas à l'abri. À la page tendance. Coé relance le barbecue. Le barbecue. Oh. Mais gros succès ton barbecue quand même, hein. Mais grave, il y a du monde de fou. Il y a du monde, je suis très content. À croire que personne n'a jamais mangé depuis des années. Ah, Nico de la mauvaise. Non, c'est non, la mauvaise. Non, j'aime pas le mauvais esprit. Voilà, c'est tout. Mais, j'aime pas ça. Mais c'est pas non, du mauvais c'est, esprit. Oh là là, mais c'est parce que tu. Alors, je vais te dire un truc. Non mais parce que Nico, il est très premier degré. Il y a des gens. Non, que je suis poli. Il y a des gens que tu n'as jamais vus. Alors, je vais la faire dans l'autre sens. Oui. Il y a des gens que tu n'as jamais vus parce que tu n'es pas non plus allé les voir dans les bureaux. C'est vrai. Eh oui. Ouais. Eh oui. Toi, tu passes dans le couloir. Toi, tu passes, tu montes directement, tu repars. Non, je dis bonjour. Oui, mais tu peux je m'arrête pas, à chaque porte. Non, mais à chaque porte de Virgin, t'es pas monté dans tous les étages. Non, c'est sûr. C'est donc sûr. Là, les gens que tu vois viennent de partout. Donc c'est pour bien ça que tu les connais pas. Mais bien sûr. Voilà, bien sûr. Moi j'en connais plein. Par les contre, vénères. Hein. Non, tu sais quoi, j'ai c'est l'impression de voir des. C'est pas des Pikachu, c'est des Picassiettes. C'est les. Arrête, non. Nico. C'est une nouvelle sorte de Pokémon. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous allons donc lancer le mot de passe. Vous voulez venir manger avec nous ce soir? Ouais. Vous êtes à côté du 8e arrondissement et de la rue François 1er. Sachez que c'est ouvert. Il faut. Comment on peut venir? Alors je vais vous donner le message. Oui. Il y a un mot de passe à donner à la sécu. D'ailleurs faudra appeler la sécu pour leur dire le mot de passe. Ah oui, t'as raison. Appelle Bichette. Ouais. Au standard Guy Claude, appelez-moi la sécu s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bah, je c'est crois qui que... à la sécu ce soir? Je crois qu'ils sont tous là la sécu. Hein. Ouais, je crois qu'ils sont avec vous. Il y a personne. Appelle le bar. Allô? Ouais, c'est la sécu, c'est Koé, ça va? Allô? C'est la sécu, c'est Koé, ça va? Non, attends, bouge pas, je me suis planté, je crois que j'ai appelé Dom. Oula. Oui, c'est Dom, effectivement. Dom, il a fait la sécu des fois oui, dans sa vie, mais. C'est quoi ce truc là? Hein, t'es très sécu, ouais. Hein, quoi? On vous invite tous, allez, venez. Il est en train de craquer, Dom, Sors de ton studio, le barbuck a démarré, Dom. Je sais, mais moi je suis enfermé dans la prod. Bon, allez, à tout à l'heure. Allez, bisous. Allez, on y continue. On continue. Je peux avoir le vrai numéro de la sécu, s'il te plaît? Oui, oui, on est dessus, je te le cache pas. On est dessus, il va m'appeler qui? Allez, bien. Je te cache pas qu'on est dessus. Qu'est-ce qu'il y a eu? T'es utile comme mec, toi. Qu'est-ce qui s'est passé, frérot? Il a renversé le champagne. Il est arrivé, il a renversé un verre, il n'y a plus rien. T'es utile quand même, frérot. Nice try. Un mec. Ils ont son t-shirt. Bon, vous me lavez la sécu, les gars, ou pas? Bah, je crois que Claude est dessus. Mais vous êtes sérieux? C'était prévu? Je voulais qu'on appelle la sécu. Oui. Oui. Bah écoute, j'avais rentré un numéro, mais apparemment c'est Dom. Ouais, évidemment. En même temps, elle est juste là. Est-ce que tu veux que j'y aille avec le micro? Ouais, mais je crois que les micros ils passent pas. Ça ira peut-être plus vite. Non, ça passe pas là-bas. Ils passent pas. Bon, vous savez quoi? Dès que c'est bon et que vous avez le numéro de la sécu, vous me dites un mot de passe, vous me direz c'est bon. Dans une minute. D'accord, n'hésitez pas, ce sera le mot de passe discret, vous me direz c'est bon, on a le numéro de la sécu. Est-ce qu'on a le mot de passe? Mais le mot de passe, je l'ai. Tu l'as? Le mot de passe qu'il faudra dire, je vous le dis, après j'informe la sécu. On va faire un truc simple. Il faudra venir à Europe, Virgin Radio. Oui. Et dire à l'entrée, oui, en regardant le mec de la sécu dans les yeux, okay, j'aime les grosses saucisses bien chaudes. Non. Et là, il vous laisse entrer. C'est le mot de passe. C'est le mot de passe, il n'y en a pas d'autre. Yeux. C'est simple. Il n'y en a pas d'autre. Dans les yeux. Dans les yeux, sérieusement et tout. Bien sûr. Moi je les ai vus, ils font tous 2m50. Hein. Donc vous le regardez dans les yeux ou dans le téton, ça dépend à quelle taille vous arrivez. Voilà. Vous le regardez et vous lui direz. J'aime les bonnes saucisses bien chaudes. Et là il vous dit c'est par là monsieur. Voilà. Il faut pas lâcher le regard. Ah non, attention, c'est important. Vous êtes sérieux les gars, vous allez vous en sortir après. Ça décroche pas là, on est numéro interne, vous allez arriver. Ça décroche pas là. Ça décroche pas. Mais ils sont là les mecs, ils sont là. Bah oui, mais ils décrochent pas du coup. Bah oui, mais s'ils sont avec toi, ils peuvent pas décrocher. Je vais me promener pour voir s'ils sont vraiment. Ce serait bien qu'il y ait quand même au moins une personne à la sécu. Marie, je te jure que ça décroche pas. À la sécu, dis-leur qu'on les appelle. Ça marche. Merci. En courant, s'il te plaît, Marie. Merci beaucoup. Ça sonne dans le vide, là. Elle nous fait un petit défilé de mode, là, Marie. Ouais. Voilà. Bon, en attendant, on va faire quoi, Stouff, dans un instant? On a Fabrice au téléphone qui avait une anecdote. Bien sûr, mon Fabrice. Comment ça va, Fabrice, qui attend depuis tout à l'heure? T'es en forme? Salut, ça va, et vous? Bienvenue à notre barbecue party. Bienvenue mon ami. Salut, merci. Alors tout d'abord, j'aime les grosses saucisses bien chaudes. Non, mais ça marche pas. À distance, ça marche pas. Non, tu es trop loin. Tu habites où? Cambrai. Cambrai, ouais, faut que tu partes trop tard. Attention, je t'écoute. Attention, il est arrivé un truc dans un barbecue. Il se passe toujours des choses dans des barbecues. C'est vrai, il y en a qui peuvent foutre le feu, il y en a toujours qui trouvent le moyen de se griller quelque chose. Il y en a toujours, on a beau le répéter 20 fois, qui peuvent pas s'empêcher de mettre de l'essence dessus. Oui. Mais à chaque fois, hein. C'est dangereux. Ou alors qui souffle sur la braise avec les yeux ouverts et paf. Non mais à la limite, ça peut être très con. Ouais. Moi, ce qui m'arrive toujours, par exemple, c'est que tu fais le barbecue. Mmh. T'as le vent et la fumée qui t'arrive dans la gueule. Oui. Tu vas de l'autre côté et le vent il tourne. La fumée te suit. Mais t'as l'impression qu'elle te suit, la fumée. Il le sait, le vent. Et ben là, il y a toujours des gens. Chaque mois, tu le lis dans les journaux. Il y a toujours un con qui dit je veux mettre de l'essence, ça suffit pas. Ouais. Il met dessus, ça explose. Bon, enfin, je t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, moi, en fait, j'ai dû remplacer un collègue au travail. Ouais. Donc, je n'ai pas pu aller au barbecue qui était prévu. Alors, en fait, donc, du coup, je me suis retrouvé en patrouille à la place de mon collègue. Pourquoi en patrouille? Tu fais quoi? Je suis fonctionnaire de police. Ah, oh, tu es policier, bonsoir. Tu n'as pas l'accent du sud, ce qui est étonnant pour un policier. Malheureusement, j'ai pas la moustache non plus. Ah, d'accord. Pour moi, un policier, il a la moustache et il a l'accent du sud. Bien sûr. Voilà, mais bon. Voilà. Et il dit des mots à base de a fortiori. Afférent et inhérent. Voilà. Qui plus est, non moins des outres. Voilà, qui plus est et non moins des outres. Il y a toujours une petite hésitation de... Il y a toujours un... Voilà. Bon, je t'écoute, pardon. Alors, en fait... il l'a fait. Et il tape avec deux doigts. Voilà, toujours. C'est ça, c'est ça. Bon, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc, t'étais patrouille. Donc, je me suis retrouvé en patrouille en fait. Donc, on passait à contrôle routier. Autant dire que j'étais blasé parce que du coup, je peux plus le barbecue. Bah, évidemment. Là, en plein contrôle routier, en fait, il y a mon chef qui contrôle une voiture et qui vient voir et me dit: écoute, il y a un souci, a priori, le monsieur te connaît. J'arrive, en fait, le monsieur roulait un peu vite et c'est un copain à moi qui allait au barbecue justement où je devais aller. Et alors, est-ce que tu as aidé? Ou est-ce que en tant que policier tu as dit la loi c'est la loi? Tu as verbalisé. La loi c'est moi. Ouais. Ou alors tu as décidé de d'être magnanime. Bah malheureusement il y avait mon frère qui était là en fait, donc lui c'est lui qui s'en est occupé. Et donc on lui a expliqué l'affaire, que je devais aller au barbecue et tout, et que c'est un ami, et puis il a dit ok d'accord. Il est où ce barbecue? Et le copain a dit bah en plus il est à 3 rues d'ici. Et il a dit ok, et ben on y va. Et on y est allé et j'ai eu mon barbecue. Et en tenue? En tenue? En tenue. Ouais. Quand t'es en tenue de flic et un barbecue, t'as plus de merguez que les autres. C'est une technique. Tu vois bien que t'es mieux servi que les autres. Tu passes devant tout le monde, personne te dit la queue là. Oh bah excusez-moi, vas-y. Au pire, sinon tu mets le gyrophare. Sûr, ça marche. Tu rentres dans le barbecue avec le droit la sirène. Ma merguez. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse mon ami. Merci, ciao, bisous. À bientôt, bah, à bientôt pour toi. Bien, on a trouvé Coco le numéro. Oui, on a le numéro. Je te donne le mot de passe, on a le numéro. Merci beaucoup. On y va, attention, c'est parti. C'est qui à la sécu ce soir? Rémi. C'est Rémi. Rémi. Rémi. Rémi. Ah, ils sont sympas, Rémi. Mais ils sont, vous savez quoi, ils sont tous cool. Ils sont tous cool. C'est vrai, pour le coup, c'est vrai que c'est sympa. C'est des potes. Même quand ils virent des gens, ils les virent cool. J'ai vu. Allô, Rémi? Oui. Ouais, c'est Coé, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, Rémi, c'est pour te dire qu'il y a peut-être donc des auditeurs qui vont venir manger avec nous du barbecue. Ouais, mais nous, on a décidé que comme ça, on peut pas sans... À 20h. Comme ça, sans prévenir, ça va pas être possible. Non, c'est bon, ils sont au courant, on a prévenu. D'accord. Il y a un mot de passe. Et par contre, il faut qu'il te donne le mot de passe. C'est quoi le mot de passe? J'aime les grosses saucisses bien chaudes. Sinon, tu les fais pas rentrer. Sinon, tu les fais pas rentrer, mais avec ce mot de passe, ils peuvent rentrer. D'accord. Donc, t'as retenu le mot de passe, c'est... Okay, ouais. C'est quoi? J'aime les grosses saucisses bien chaudes. D'accord, j'ai compris. Donc c'est quoi le mot de passe? J'aime les grosses saucisses, d'accord, j'ai compris. C'est pas j'aime les grosses saucisses, j'aime les grosses saucisses. D'accord. Alors c'est quoi? C'est quoi le mot de passe? J'ai compris, c'est bon. C'est quoi? Tu veux pas répéter le mot de passe? Non, je veux pas répéter. Il y a du monde autour de lui quand même, c'est génial. Allez, je t'embrasse, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Vous savez le pire dans cette histoire? Vous savez le pire dans... Le pauvre, il a perdu toute crédibilité. Il n'a pas assumé. Il est en train de l'écrire. J'aime les grosses saucisses. Il veut mettre un post-it pour les mecs d'après. Les gars, il y a un mot de passe. Les gars, réunion. Réunion, les gars, il y a un mot de passe. Je sais plus. Non, le pire, c'est que je suis en train de me dire que... Il y a mon fils qui va venir à nous retrouver. Oh mince! Et j'ose pas le prévenir du mot de passe. Ah si, c'est obligé, sinon il rentre pas. Hein, il faut qu'il joue le jeu. Ah non, je peux pas faire dire à mon fils ça. Non, je veux bien le faire, certainement pas. Eh ben, appelle-le en direct maintenant. Non. Si, appelle-le. Appelle-le. Dis-lui, voilà. Impossible. Sinon, ils ne le laisseront pas rentrer. C'est pas grave, je balancerai des merguez par la fenêtre, c'est pas grave. Je préfère qu'il ne mange pas qu'il dise cette phrase. C'est impossible. Mais il a le droit d'aimer les grosses saucisses. Mais oui, mais vous ne voyez. Peut-être que vous avez raison, on ne parle que d'aliments, vous avez raison. Il ne faut pas avoir la vision déplacée. C'est pas possible. Mais je suis pas capable de lui envoyer ce message. Voilà. Tu veux que je lui envoie? Oh non, certainement pas. Restez avec nous sur Virgin Radio. Hashtag barbecue party chez Coé sur Twitter. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Le barbecue va officiellement démarrer. Je crois qu'on a commencé à mettre le feu. Oui. Et on arrive avec un bidon d'essence, donc ça va aller plus vite. Tout va bien. Voilà, autant vous dire que le déménagement va avoir lieu plus vite que prévu. Qu'est-ce qu'on écoute? Dua Lipa. Allez, vas-y, c'est parti. J'adore, bienvenue sur Virgin. On est là jusqu'à 21h. Et vous suivez les images Facebook Live. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. again. When my best friend caught you creeping, you blamed it all on the alcohol. So I made my decision, 'cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. Virgin Radio. Reste avec nous sur Virgin Radio. Le barbecue donc commence. Je vais y aller dans un instant voir comment. Il a commencé. Ça a commencé, ouais. Il y a Jeff qui est pas content parce que. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai affronté une tranche de jambon sur mon téléphone. Sérieux? Non. Oh, les gamins. J'ai pris le gras du jambon. Mais c'est pour que dans la nuit, si t'as faim, tu lèches ton écran. Voilà. Tu vois? Et va enlever du gras de jambon sur un téléphone. Ah, l'horreur. Aux amis, on rigole, on s'amuse, on passe un bon moment. Dans un instant, nous allons faire le foot dance. Ah oui. Le principe sera de jouer au foot sur la musique que je diffuse. Et à chaque fois que je change de musique, on change de danse, mais on continue de jouer au foot. Donc c'est toi qui fais l'arbitre? Bien sûr que oui, tu crois pas que je joue au foot. Et juste pour vous dire aussi que commence la journée, la campagne de don de sang. Ouais. Oui. C'est quand la journée? Aujourd'hui. Depuis hier. Ah, c'est depuis hier, je crois que c'est. Oui. Et ben, vous savez quoi? Vous savez de combien il y a de besoin de dons de sang par jour en France? Énormément, mais 10 000 par jour. Ouais. 10 000 par jour, et le sang qui est collecté, c'est pas parce qu'on le met dans le frigo qu'on le garde, c'est-à-dire il a une durée de vie très limitée. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a 1 million de patients qui sont soignés chaque année grâce aux dons de sang que l'on fait. Allez-y, ça fait pas mal. Vous y allez, vous avez, même si vous débrouillez bien avec l'horaire, vous pouvez gratter un pain au chocolat. C'est vrai. Non mais c'est vrai, hein. Il y a ça, ouais. Donc, pas ça à Jeff, hein. Il va y aller pour ça. À l'époque, je faisais pour ça. Il y avait une brique de jus d'orange et un petit sandwich. C'est pas vrai. C'était bon. Non mais allez-y, vraiment. Mais allez-y. Moyens sont bons. Il y en a partout. Il y a, si vous voulez en savoir plus pour avoir les lieux de collecte, vous allez sur dondesang.efs. Point santé. J'essaie de savoir ce que vous voulez dire, EFS. Établissement français. Voilà. Du sang, bien sûr, sang. Évidemment, oui. Voilà. Évidemment. Voilà, dondesang.efs.santé.fr, ça fait beaucoup de points, mais vous aurez tous les endroits de collecte, et si vous avez 2 minutes, allez-y, sachez que vous pouvez sauver des vies, parce qu'en plus, il y a des groupes de sang qui sont beaucoup plus rares que d'autres, donc allez-y, ce sera une très bonne chose. Vous restez là, dans un instant, nous allons avoir pas mal de surprises. Oui, Borda, vous avez un mot à dire? Oui, il y a Joël qui demande sur Facebook s'il y a des menus pour les véganes. Ah, y a-t-il des menus pour les véganes? Je pense que oui, parce qu'on a prévu plein de légumes. Il y a du guacamole. Donc, mais alors, le problème, c'est que. Pour ça, c'est ce qu'elle nous dit. J'aime les grosses saucisses. Ah oui, effectivement, oui. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait de mot de passe pour les véganes. Ça peut être les grosses saucisses véganes. Hein. Oui, mais bon. Et arrêtez de voir du mal partout. On ne parle que d'alimentation, d'alimentaire. Des fois, les gens ont un esprit un peu qui part comme ça. D'accord, mais merci d'être avec nous en tout cas sur Virgin Radio. J'espère que vous passez un bon moment. Dans un instant, nous allons continuer. On fait quand le match de foot?

Koé Slash. 18h-21h sur Virgin Radio. Alors je sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, c'est magique, ça passe jusque là. Bienvenue à la barbecue party. Nous sommes, je vous explique si vous ne voyez pas les images sur Facebook Live, nous sommes ici à l'intérieur de la cour de RFM qui sont là, Virgin Radio qui sont là-bas, Europe 1 qui sont là. Coco, oui. Est-ce que tu peux juste te rapprocher pour la caméra? Non, je n'ai pas envie. On te perd? Vous me perdez? Non, on me voit. Mais ça grisouille un peu, mais rapproche-toi, toi, va là-bas. Voilà, moi vous m'entendez parce que je vais être à côté du barbecue. Parce que les amis, je vous explique, on est en train de faire les saucisses et je voudrais quand même vous expliquer un truc. Vous m'entendez là? Oui. Je vous explique un truc, c'est que quand on a fait ce barbecue, tout le monde nous a dit les odeurs. C'est vrai. Tout le monde. Et nous, on voulait faire en bas de Virgin là-bas. Oui. Et on m'a dit non, surtout pas. Plus loin, faut éloigner parce qu'il y a Europe 1 et tout. Résultat, on nous a demandé de nous mettre au bout de la cour. Oui. C'est pire parce que la fumée est directement sous tous les bureaux d'Europe. Et je pense que ça va sentir le brûlé demain dans toutes les pièces. On a perdu. Alors que si on m'avait écouté moi, on l'aurait fait là-bas dans notre coin, on dérangeait personne. Et t'as respecté les règles. On nous a dit non Koé, faut aller là-bas. Je pense que là les gars demain. Non mais demain ils ont des buts. Les journalistes d'Europe 1 étaient là, hein. Il y en a encore. Pas... Hein. Non mais je Stouff. Oui. T'es pas descendu. Si, je suis descendu. T'as l'impression qu'il y a un incendie quand même. C'est hein. Ouf. Non, parce que là, il y a deux barbecues à bloc. Toutes les équipes t'y mettent. Notre ami qui est le responsable des vidéos, il est là-bas au barbecue. C'est vrai en plus. Il est au barbecue. C'est grâce à lui à chaque fois qu'on a des vidéos et tout. Le mec il est au barbecue. J'adore. Il gère le truc. On embrasse Thibaut. Il est là-bas d'habitude, c'est le gars qui dit tu veux une caméra, tu veux des micros, je te donne ça, tu veux un mélangeur, ok je m'occupe de tout. Et là le gars le même, je le vois, il fait tu veux une merguez, tu veux une chupeau. Je m'occupe de tout, il est magique. Et apparemment les alarmes incendies des RFM se sont déclenchées. Et je voudrais aussi vous dire que il y a un truc que je vois depuis tout à l'heure, c'est toutes les filles qui sont en mode bien coiffées parce que elles viennent. Elles se mettent devant le barbecue, oui. Mais il y a la fumée. Oui. Elles se prennent donc elles la ont tous cette tête-là, tu sais. Elles prennent toute la fumée. Et il n'y a que des têtes toutes fripées. Elles sont comme ça. Et puis elles se décalent, puis la fumée revient. Mais elle va l'orgaise. Mais oui. Mais voilà, c'est magique. Moi, j'adore. Je ne vois que des gens. Je les reconnais pas parce qu'ils ont tous la tête comme ça. Il a l'odeur des fringues ce soir. Un jour ils vont se déplier le visage. Ah bah t'étais là. T'étais pas reconnu. J'ai pas vu. Bon en tout cas c'est un bon moment que l'on passe ensemble. Ça fait plaisir. Et on peut faire aussi un petit coucou à Fredo parce que son bureau est juste à côté aussi. Non, je vais vous dire un truc. Fredo il a été malin. Parce qu'il a déplacé ça sous le bureau des autres, il l'a pas mis sous le chien. Et c'est là qu'on reconnaît le directeur des programmes. Le mec s'est dit oh là, loin, là-bas loin. Le barbecue. Là-bas. On l'éloigne. Alors par contre je ne sais pas qui est ici en temps normal. C'est Europe 1, c'est la rédac. Ah bah c'est bien. Demain matin tu vas entendre bonjour Europe 1 7h barbecue. Accident d'avion. Dieu a une merguez. Dieu a une défaillance. Il y a beaucoup de gens qui demandent sur Facebook où c'est si on veut vous rejoindre. Alors où c'est si on veut vous rejoindre Parce qu'on a déjà des gens devant en fait. Suivez les odeurs. Le problème c'est qu'on va devoir arrêter de donner l'adresse parce que je crois qu'il y a la sécu qui est pas prévenue que... Non. Éventuellement, mais bon, je... Même avec le mot de passe. Surtout avec le mot de passe. Je crois qu'ils assument déjà plus le mot de passe. J'aime les grosses saucisses bien chaudes. Mais ils ont le droit. Mais oui, mais bien sûr, et on ne parle que d'alimentation. Mais bien sûr. Dans cette émission, on ne voit le mal nulle part et il n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait de beau maintenant? Allô, Stouff. Il a pas donné l'adresse. Il fiche sur toi. Excuse-moi, Stouff. Oui. Je t'ai pas entendu. Oui. Qu'est-ce que tu fous pour pas m'entendre? Elle boit. Mais sérieux, excuse-moi. Mais c'est toi qui l'autre vois. Depuis tout à l'heure, elle dit. Moi, je reste dans le studio, je prépare tout. Hein. Ouais. Elle a... Je lui parle. Elle dit. Excusez-moi. Elle a investi ta place. On était en train de dire qu'on avait faim. Non mais on discutait. Non, je faisais pas cette tête. Ah, vous faisiez votre propre émission. Non mais je me disais que le problème t'as pas tes textes pour le jeu du parc Astérix. Faut retourner à ta place. Ah oui. Ah là là. Arrête avec ça. Parce qu'il y a de la fumée là. Arrête. Allez on retourne dans notre coin. Allez on retourne là-bas sachant que dans un instant nous allons faire. Ceci dit c'est vrai que les amis c'est très très enfumé là-bas. Ah et ça sent hein. Non mais je me souviens qu'il y a quelques heures encore on me disait attention à l'odeur et nous. Très sûr de nous disions ça ne sent pas un barbecue. Je retire intégralement tout ce que j'ai dit. Bien sûr que si, ça sent. Ça sent très très fort. Mais c'est convivial, voyons. Vous savez quoi, tout le monde est là. Et tout le monde me dit merci depuis tout à l'heure. C'est vrai, tout le monde est content. C'est génial, non? Connaissez beaucoup d'émissions de radio qui invitent tout le monde? Tout à l'heure dans la cour, il y en avait qui disaient ouais, c'est beauf. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est beauf. Non, mais oui, mais tout le monde est là, donc tout le monde est beauf. Oui, mais c'est bon. Voilà. Un bon barbecue, mais vous savez quoi. Je sais pas son prénom. Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux se faire un bon barbecue avec des amis ou alors un petit sashimi qui vous a coûté 75 euros avec des mannequins suédoises qui vont tout vomir 5 minutes plus tard. Président. Mais ouais, oui, mais la place est prise, mais je rien prémanu. On a le barbecue, on a fait un deal. C'est la vie. On a fait un deal. Bon, alors, on y va. Le jeu pour aller faire un tour au parc Astérix, on fait une bise à qui ? À Laura. Bonjour Laura. Bonjour Coé, coucou toute l'équipe. Bonjour. Salut, Laura. Laura, où est-ce que tu habites, ma petite Laura ? J'habite à Talmarmoutier, c'est un petit village en Alsace, à côté de Saverne. D'accord, est-ce que la vie est belle ? La vie, elle est belle, je suis dans les champs, c'est sympa, je vous écoute, tout est beau. Ah, t'es un amour, je fais un bisou à tous ceux qui nous écoutent en Alsace, j'adore l'Alsace. Je kiffe. C'est l'une des plus belles régions de France. Oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, hein, souvent, t'as pas un but précis. Quand moi je dis que j'adore aller en Alsace, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu vas faire en Alsace ? Ouais, c'est super. T'as de la famille, beau. Mais quand tant que tu l'as pas découvert, c'est génial. Non, je suis bien d'accord. Grenade. Tu veux faire des trucs de fou. Ouais, non, c'est très joli. Jeff, il y va. Jeff, il a déjà réussi. Jeff, il a réussi à faire une pénurie de choucroute dans le 67, à lui tout seul. Bah oui. Crois-moi que c'est pas facile. Tu vas peut-être aller faire un tour au parc Astérix avec des enfants. Combien t'en as ? Alors j'en ai deux. C'est génial. T'as encore ton mari ? Aussi, encore. Ah, voilà. Je serais quatre. Non, mais je dis ça parce que tout le monde divorce. On est complet. C'est ça que je veux dire. C'est que des fois, on peut être une maman célibataire. Bien sûr. Non, non, voilà. On est à quatre. Auquel cas, je t'aurais pris un mec au hasard de l'équipe pour partir avec toi. Allez. Ben, allez. Allez, on est encore ensemble, mais je partage. Tu vas jouer avec nous. On va se faire qu'un jeu en rapport avec le barbecue. Ok, choisis un membre de l'équipe. Choisis-moi, oui, un membre. Comment ça, choisir un membre de l'équipe ? Ouais, parce que là, c'est un peu dur. Donc, on va choisir entre deux membres de l'équipe. Toi, t'en désignes deux, elle en choisit un, ça sera son champion. Toi, t'en désignes deux, elle en désigne un, je veux rien dire. Bah, toi, t'en choisis deux, Coco. Tu fais ça depuis le début de l'année. C'est vrai, c'est entre deux. C'est une battle entre les deux, et puis c'est le meilleur qui gagne. Mais pourquoi ils doivent choisir deux si elle en choisit ? Jeff. Je prends Jeff contre. Miko. Jeff contre Miko et elle parie sur celui qui sera le meilleur. Voilà. J'y connais rien. Mais c'est quoi la règle du jeu ? En fait, il y a dans la réponse, tu as posé des questions et dans la réponse, il y a un terme de barbecue. Ah, facile. Oh, mais c'est Jeff qui va gagner. Fais péter. J'enlève les fiches pour que vous ne trichiez pas. Laura, tu choisis qui ? Merci. Laura, tu mises sur. Écoute, en soutien de la choucroute alsacienne, je vais prendre Jeff. Oh, bon choix. Vite ta bouche. Pardon. Oui, bon choix. T'as tout le temps des pubs pour manger, tu peux éviter de manger quand on a l'antenne. Comment ? Une carotte. Bah oui, bah c'est pas parce que tu prends ta carotte mensuelle, c'est son légume. Le mec il mange sur un bout de légumes. Attention, on y va, la miser sur Jeff. Mais c'est que des. La réponse est un terme de barbecue. Pas un terme de barbecue, un terme de ce qu'on peut mettre sur un barbecue. Oui. Ouais, tout tourne autour du barbecue. Ah d'accord. Attention, top c'est parti, c'est pour planter les tentes quechua. Sardines. Tu sais ce que c'est ça ? Oui, c'est des trucs qui se plantent. Bien Miko. Ah, bien oui Miko. Bravo Miko. Bah moi je savais pas. Bah si, voyons Coco. Si des sardines. Mais on plante rien avec une tente quechua, on la jette. Non mais toi tu fais pas. Faut la planter quand même, sinon elle s'envole. Ah oui c'est vrai. On la jette. On voit le gars qui a fait du camping. C'est ça. Il va jamais au camping. Le mec il arrive le soir, il fait. J'avais pas une tente là. Je la vois flotter, elle arrive en Angleterre. C'est marrant, c'est pas là où je me suis garé hier. Le décor a changé. Ah ouais, je déteste ça. Attention, c'est le hashtag polémique de l'année avec une pièce de viande. Hashtag balance ton porc. Pièce de viande. De ton porc, ta côte de porc. Balance ta côte de porc. Je valide. Bim. Attention, on y faut va. Compter les points là-haut. C'est un film d'horreur américain. Saucisse. Saucisse. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la réponse la plus connue de question pour un champion. La mer noire. C'est la mer noire. Mais non, c'est la merguez. Enfin, j'ai pas besoin de dire noire. C'est la merguez. C'est la merguez. Elle est trop cuite, elle est noire. Alors, on continue. C'est Jeff. Elle chantait comme une boule de flipper. Ah oui. Ah oui. Comment ça s'appelle ? Pensez au terme de barbecue. Ouais. Corinne Charbon. Oui. Boule de flipper. Allez, on continue. Attention. Il faut vérifier qu'il y a encore à manger parce que. Non, il n'y aura plus. Non, déconnez pas, j'ai dit à mon fils, viens manger la soirée. Et s'il arrive, il n'y aura plus. Et nous, c'est pareil avec Stouff, on n'a pas encore mangé. Hein. Non, mais nous non plus. Hein. Arrête de bouffer, toi. Arrête de bouffer. Qu'est-ce que tu ne fais rien. Je regarde le Facebook là, tu prends pour un con, vas-y. Non, mais mec, t'es payé à regarder un écran d'ordinateur. Je vous le dis d'avance, il y a assez de. Mais moi, je te le dis d'avance, vas-y. Mais je le sais. Va vérifier. Mais je le sais déjà. On a faim, va nous chercher. Va jeter un œil. Va chercher à manger. J'ai géré les stocks. Mais ramène des saucisses. Va chercher à manger. maintenant. Bah oui. Mais oui maintenant. Va chercher bonheur. Mais qui va regarder l'écran? Mais le mec il est payé à regarder un écran. Il regarde. On est, vous savez quoi les gars? On est à côté de lui. Le mec il regarde l'écran et comme ça. Mais quand ça va du monde, plus personne regarde l'écran. Alors qu'on est tous là et... Si ça se trouve il regarde le foot hein. Comment? Qu'est-ce qu'il y a si quoi? Il est vénère. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a un bug, personne ne le saura, mais tu vas faire quoi? Mais on si le saura, je suis devant là. T'inquiète pas. France Télécom, Orange, tu vas aller le réparer le bug. On a des écrans là-haut. C'est pris pour un super-héros. Un bug, je suis là. Je suis Bugman. Ah, Bugman. J'adore l'embêter. Oui, on l'aime bien, on le charrie. Hein, tout on, l'adore, on l'adore. Il part doucement, je le vois d'ici, mais il est pas pressé. Non, mais parce qu'il est colère. Ouais. Vous savez quoi? Je l'aime beaucoup, je trouve que c'est la victime. Mais oui. J'aime bien l'embêter. On l'aime bien. Parce que si on l'embête pas, il se la raconte trop. On continue, attention. Pour l'instant, qui gagne? C'est égalité. C'est Jeff. C'est Jeff. Ah, ça sent bon pour le parc Astérix. Jeff. Ouais, j'adore ça. C'est le kleptomane de Dora. Chippo, arrête de chipper. Je vous mets égalité. Chippo, arrête de chipper. C'est lui qui réalise l'émission. Bichette. Non, barbecue, les gars. Brochette. Oui. C'est un joueur de foot. Tu l'as aidé, t'as non, non, mais non, je parlais d'autre chose. C'est un joueur de foot français. C'est un joueur de foot français avec une grosse cicatrice. Ah oh oui, bah là, c'est dur. Ouais, c'est pas facile. Ils trouveront pas. Ribs. Je te valide. Ah la vache. Les pommes de terre de Bretagne. Barbecue. Barbecue. Pommes de terre de Bretagne. C'est... Comment tu les fais, Bretagne, tu les fais? À la braise. Chez Europe 1, elle sera toute chamboulée à la rentrée. La grille. C'est ce que dit l'asiatique dans La Vérité si je mens. T'as pas du zip. Vérification. Papa dit zip. On continue. Dernière question. Faut pas mettre celle des ch'tis, des anges ou des marseillais, sinon elles font. Marseillaise. Faut pas mettre celle des ch'tis, des anges ou des marseillais, sinon elles font. La cervelle. La poitrine. Ouais. Victoire de Jeff. Ça veut dire qu'elle va avec toutes ses... Comment s'appellent les enfants? Alors, j'ai Emeric qui a 9 ans et Tristan qui a 2 ans. Eh bien, avec Emeric, Tristan et le papa s'appelle Christophe. Vous allez tous partir au parc Astérix, on vous applaudit. Bravo. Ça me fait plaisir. Bravo à vous. Merci, Jeff. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je suis toujours là pour toi. Ah, quand je ramènerai une petite choucroute quand je monterai un parc. Ouais, ou deux. Ça commence à s'acheter avec de la viande. Allez, je te fais un gros bisou. Je t'embrasse, à bientôt. Gros bisous et merci encore. Dans un instant, bisous. Nous allons jouer avec vous. Je rappelle que nous cherchons toujours un défenseur de la plancha. Oui. Contre un défenseur du barbecue. Et je crois que tout à l'heure on m'a dit que le standard a explosé. Puisque ce que je veux, c'est que nous ayons ces deux gens qui sont adversaires dans la vie, oui, qu'ils soient ensemble, main dans la main, pour peut-être aller faire un tour et gagner leurs invitations à l'électrochoc à la Grande Motte. La Grande Motte avec le nous. 29 avec juin. Avec nous. Avec nous, et puis avec le soleil, avec la plage, il y aura tout. Parce que la Grande Motte, pour ceux qui vraiment savent aussi, il y a la mer. Hein. Oui. Donc c'est bien. C'est pour ça que quand vous dites Montpellier, c'est bien Montpellier, mais il n'y a pas la mer. La Grande Motte, c'est à quelques kilomètres, il y a la mer. Il n'y a pas la mer à Montpellier? Non. Bah non, je pensais. Mais non, la Grande Motte. Montpellier, t'as 20 km de la Grande Motte. Ah, c'est pas loin. Oui, mais il n'y a pas la mer dedans. Si, Montpellier, c'est très loin de la Grande Motte. Oui, c'est très loin la Grande Motte. Voilà. Bon, alors on y va, on continue. T'es chelou, toi, pourquoi t'es chelou comme ça? Il t'expliquera en antenne. Oui. C'est chelou avec Montpellier. Non, je veux comprendre. Non, ça se dit pas à l'antenne. Ça, Koé. Je pensais que t'étais au courant. Non, pas ça. On va s'écouter David Guetta. Voilà. Allez, et de toute façon, l'électrochoc, c'est à la Grande Motte. Voilà. Oui. Voilà. C'est très loin de Montpellier. C'est génial. Je me rappelle qu'on est filmé. Ok. Allez, David Guetta. T'avais un plan cul, Montpellier. Ouais. Ok. Bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. J'espère que vous allez bien. Allez, dans un instant, on continue. On aura l'air partout pour Airbnb. À tout de suite. You can do this. Slow my Slash. 18h, 21h sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisi, on est sur Virgin Radio. Je tiens à vous dire qu'on organise en ce moment un truc donc assez marrant. On a fait une barbecue party avec plein de gens de tous les studios qui déboulent de partout. Nous sommes dans la cour de Virgin, d'Europe 1, d'RFM, de plusieurs radios. Il y a des auditeurs qui viennent nous rejoindre, qui sont quelque part par là, que je ne connais pas. Ça va, t'as eu des chipots? J'ai ma copine qui est fan de chipots. T'as eu tes chipots? J'en ai encore plein là, moi j'ai attends. Ouais, bah, calme-toi quand même, parce que elle nous bouffait tous les chipots. Ah, parce que depuis tout à l'heure, je rigole pas, depuis tout à l'heure, elle tape dans les chipots. C'est quoi ça? Il vérifie les stocks là, regarde. Ah mais vas-y, c'est pas pour moi, c'est pour les auditeurs. Va faire le stock de bidoche, Bordas, va le ramener maintenant. Il chanchon Bordas. Il chanchon. Ouais. Il l'a mal pris. Tu l'as vexé. Je sais pas si vous avez vu sur le Facebook Live, mais pendant la chanson, il est arrivé, il est venu me voir, il était vénère. Et il a vu qu'il y avait la caméra, il a fait non, arrête. Il est venu voir tout le monde. Il est venu voir tout le monde sauf Koé. Il est venu nous voir aussi. Il est venu nous engueuler. J'aime bien l'embêter. Vous savez quoi? J'ai l'impression ici que c'est magique parce que je vois des gens qui d'habitude ont des métiers qui n'ont rien à voir, qui sont en train de faire des merguez. Frérot qui depuis le début de l'année est notre assistant, il est derrière le bar. C'est vrai. J'ai l'impression, vous savez quoi, que c'est la kermesse de fin d'école. C'est ça. Où t'as la maîtresse qui tient le chamboule doux. Mais c'est trop ça. Le directeur de l'école qui fait des crêpes. Ça va Bordas, c'est cool, c'est cool. Et chanchon. Fais gaffe chanchon. Parce que t'as la moustache qui change de couleur quand t'es vénère. Il a des petits poils rouges. Non mais arrêtez. Quand il devient vénère, on dirait un personnage de manga, ça change de couleur. Laissez-le tranquille. Il est parti bouder. Mais on l'aime notre Bordas. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, ma petite Stouf? Les 10 astuces pour réussir le barbecue. Je montre aux gens qui nous suivent sur Facebook Live. D'abord, je vous montre un cuisinier au chômage dans la détresse ce soir, puisqu'il n'a absolument rien à faire. Tout le monde mange et il se dit ce soir, il n'y aura personne chez moi. Vous l'avez vu, il est reparti comme un petit malheureux. Il a vu qu'il était filmé. Mais on l'a invité au moins, lui ou pas? Il est parti comme ça, le gars, il était là. Va l'inviter, monsieur. Mati, viens manger avec nous, va prendre une merguez, Mati. Non mais sérieux, Mati, reste pas tout seul, t'es dans ton coin. Pourquoi tu vas pas prendre de merguez? De toute façon, tu vendras rien ce soir. Va prendre une merguez avec nous. Viens voir ce que c'est de la vraie bouffe. On s'en fout, ce soir, t'as le droit. Mati, tu préfères bosser? Tu sais que nous, c'est de la vraie viande, Mati. Viens voir ce que c'est de la vraie nourriture, viens. Elles sont meilleures que la cantine. Bon. Il a pas voulu? Non, il travaille, il tient la cantine. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et donc, voilà, nous sommes ici, je vous montre le studio de Virgin, donc c'est au... Voilà, c'est vrai que vu d'ici, on dirait une cour d'immeuble qui a pas été ravalée depuis 60 ans, mais sinon c'est très sympa dedans. C'est bon. Voilà, on y va. Monsieur Torti, c'est maintenant que vous sortez de votre studio? Il n'y a plus rien. Ça y est, je vais en profiter un peu. Allez. Le gars, il a repéré, il a attendu qu'il n'y ait plus grand monde. Bon, on continue, Stouf, on fait quoi? Les 10 astuces pour réussir le barbecue. Ah, alors ça, c'est dans tes textes. Vous êtes chez vous à la maison, prenez des notes. Non. Papier, stylo. Non, on l'a pas fait hier, Nico, je te jure. Non. Soudu, parce que c'est ce soir. Donc, le barbecue, c'est ce soir. On n'a pas pu le faire hier. Je suis confond avec YouTube. Il y aura YouTube, rien à voir. Il y aura Didier Deschamps. Oui. Tout à l'heure que nous aurons en ligne pour savoir. On vient de l'avoir hier déjà, il faisait la gueule, on l'aura pour savoir si ça se passe bien, si la France va être au taquet. Ouais. Mais pour l'instant, voici donc les 10 astuces pour réussir son barbecue. Vérifiez d'abord la météo, les gars. Ah oui. Ah bah, ça c'est le principal. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait depuis deux semaines. Ouais, on était moyen, j'étais flippé. On a eu du bol, hein. La météo, première chose à faire. Alors les prévisions météo sont pas toujours bonnes, mais faudra faire avec. Faites attention à la période aussi. Si tu fais un barbecue, mais que personne vient, t'auras l'air con avec tes 5 kilos de merguez en hiver. Ça c'est vrai. Oui, en hiver c'est pas la période. Le lieu a son importance. Le mieux c'est le jardin, bien exposé au soleil avec une piscine pour se baigner. Ouais, ou rafraîchir. Tout le monde ne peut pas proposer un barbecue. C'est un studio de 25 mètres carrés, non, t'oublies. Oui, c'est vrai. T'oublies, sinon c'est pas possible, tout le monde meurt en monoxyde de carbone, c'est dingue. Les amis, il faut avoir des amis. Ah ouais, voilà. En plus, faut bien les choisir. Si c'est toi qui ouvre les portes, si tu as fait gaffe quand même, il te faut un mec qui va gérer le barbecue à ta place. Oui. Moi j'ai toujours mon Jeff. Celui qui amène les gobelets. Tu vois, le pote marrant qui met de l'ambiance, qui raconte des vannes. Ça compte aussi. Le pote qui va t'aider à ranger le bordel. Aussi. Ça aussi, c'est important. Et on évite les gros mangeurs parce que ça coûte cher. Moi, je mets Jeff au barbecue parce qu'à la fin, il a plus faim, généralement. Bien préparer le barbecue, les gars. Vous le faites ou pas? C'est-à-dire? Vérifiez le sens du vent pour placer le barbecue. Ouais. Ça évite de s'enfumer. Prévoyez les outils qui vous permettent de gérer le barbecue. Pince, souffleur, etc. Si vous voulez bien faire les choses, il faut allumer le feu 45 minutes avant le début des grillades pour que les braises soient... rouge et qu'il n'y ait plus de flamme. Fumée. Voilà, après si tu reçois Stouf, ne fais pas cette erreur, prends le temps d'étancher sa soif. Surtout. Bien sûr. avant d'allumer le feu, sinon il peut y avoir 12 morts. Ouais, ouais. La quantité suffisante de viande, ce qui a créé le problème avec chez nous il y a deux minutes. On a eu la grosse inquiétude de la viande. Il y a un gros sac, quoi. Mais tu l'as pesé. Mais il l'avait pas vu, mon ami, le gros sac de viande. Non. Voilà. Tu l'avais pas. Il faut avoir de la viande, on est d'accord, c'est pas bien de gâcher, mais faites attention, faut pas qu'il y ait 10 affamés autour de la table qui ont encore faim. C'est, okay, c'est simple, ce sont ces 6 kilos en moyenne par personne. Ah sinon les mecs qui te regardent c'est. 6 kilos. Non, 6 kilos non, j'ai fait ça. C'est pour toi ça. Non, je te jure, si les mecs ils ont pas assez mangé, après c'est Walking Dead, ils te regardent bizarrement. Ouais. Les bons accompagnements, le chips, c'est un classique, mais les petits légumes, les brochettes de pommes de terre braisées, c'est mieux. Ah ouais, voilà. C'est vrai. La petite carotte, elle passe bien. La musique les gars, la musique, comme toutes les soirées, la musique est bonne, il en faut pour la pour barbecue, ça ambiance tout le monde. Si tu veux que les gens de bar, tu mets un single de Jul en boucle et là c'est réglé, ça sent la fin de soirée. Pour le choix de la musique, faut juste éviter des styles un peu trop pointus qui peuvent déplaire à la majorité. Ouais. Voilà, ouais, genre agressif. Ça dépend si tu fais un barbecue branché. Non, agressif agriculteur, ça n'a jamais fait. Non, ça n'a jamais fait kiffer. T'évites par exemple de faire venir tes copains sur de la transe psychédélique. Oui, c'est vrai. Si c'est le soir, il faut amener un pote qui fait de la guitare. Et... Ah oui, c'est vrai, bah oui. Ah Jeff. Bah, j'ai pas ma on n'a pas une guitare ici. Allez. On peut peut-être en trouver une. Comme ça, on se serait raconté des histoires à la belle étoile, des histoires d'horreur de préférence. Comme ça, voilà. La personne qui vous plaît, elle est obligée de dormir avec vous. Bien vu, ça. Ah. Très bien vu. Voilà. Ça. Et si vous comptez la choper, vous évitez là, il y a l'oignon dans les brochettes. Merci. Oui, oui. Là, c'est pour le haut, l'oignon, c'est pour le bas. Évitez, évitez. Ah, évitez. Arrête. Évitez, mais c'est ça vrai. C'est vrai les amis, c'est une catastrophe. Ces deux aliments, c'est une catastrophe. Catastrophe pour la laine, catastrophe pour le transit. Les oignons, Piet, mais regarde pas comme ça. Oui, pour la laine, oui, mais et l'ail pour le, l'ail pour le, pour la laine, non, mais je les oignons. Sur le haut, je comprends, mais sur le. Les oignons, ça fait péter, enfin, c'est pas nouveau. Ah, oui, c'est vrai, oui. Ah, bien sûr. Pas cuit, pas cuit. Moi, j'étais sur autre chose. Hein. Comment pas cuit. Ah, si, justement, plus cuit que cru. Ah bon? Bon, enfin, je crois que globalement, c'est un désastre. Rarement, les gens qui font un dîner romantique, ils mangent de l'oignon et de l'ail avant. Ouais, hein. c'est vrai. Alors, ni des trucs à base de fromage. Allez, enquille. Les choses à ne pas faire. Oui. Laissez la grille sale. Ah, jamais. Oh, alors là. Ah bah moi je la laisse et je la nettoie au prochain feu, derrière avec mon crâne. Non, c'est le meilleur moyen d'avoir une côte de porc qui sent la merguez. Mais oui, non. Oublie ça. Ah bon? Voilà, et le truc à éviter. Lancer le débat plancha barbecue. Voilà, on va en parler dans un instant. Alors ça, c'est pire qu'un débat politique ou un truc de football PSGOM. C'est pire que tout. Stouff, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas le conducteur. On va se retrouver après cette petite page publicitaire avec l'appel Airbnb. Très bien. Est-ce qu'on peut louer un Airbnb en disant qu'on va faire des cochonneries à l'intérieur? Est-ce qu'ils vont nous louer suite à ce qui s'est passé dans l'actu? Restez là, ça va être énorme. À tout de suite. Depuis 4 ans, vous entendez des voix qui vous réveillent, vous emmène travailler et vos matinées ne sont plus les mêmes. Le 29 juin, préparez-vous à vivre un dernier réveil exceptionnel. Cali Combal et l'équipe du Virgin Tonic vont vous inviter au Grand Rex à Paris. Virgin Tonic. Bonjour, bon réveil. 2500 personnes dans une salle mythique pour vivre avec eux une émission hallucinante. Avec Jane, Eddie de Preto, Amir, Christine and the Queens, iPhone, et Synapson. Tous réunis sur scène pour une matinée légendaire. Le 29 juin, vous pourrez vivre dans le Virgin Tonic le dernier réveil de Camille Combal. Gagnez vos places tous les matins dans le Virgin Tonic sur virginradio.fr. Salut, c'est Camille Combal. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Alors faut plus hésiter les copains. Pour donner son sang, il faut juste avoir 45 minutes devant soi et le prélèvement dure que 10 minutes. Vous arrivez, vous vous laissez guider, franchement c'est hyper simple et vous faites une bonne action. Allez sur le site de l'établissement français du sang, dondesang.efs.santé.fr. Je compte sur vous. Il pleut encore là? Ah bah super l'été. La pluie? Ah mais non, c'est Loïc. Depuis qu'on a une nouvelle douche avec fonction jet-pluie, il a jamais été aussi détendu. Ah ouais? Peut-être que ça me ferait du bien aussi une petite pluie. Cet été avec Ikea, vous allez adorer la pluie. Rendez-vous vite en magasin ou sur Ikea.fr pour rafraîchir votre salle de bain et découvrir toutes nos nouveautés. Comme l'ensemble douche plus mitigeur thermostatique Brogrund à 179€. Ikea. Peugeot Occasion, allez-y les yeux fermés. Lorsqu'on achète une voiture d'occasion, on veut être sûr de faire le bon choix et au meilleur prix.

Tiens, il écoute rien, lui. Laissez-moi deux secondes. Alors. Finis ce que t'as dans ta bouche, s'il te plaît. Il a rien dans la bouche, il mange pas, Coco. Nous avons un problème. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quoi encore ? Nous avons deux problèmes. Oh là, qu'est-ce qu'il y a ? On est passé de 1 à 2 en 2 secondes. Nous avons 8 problèmes. Je viens de croiser Laurent, le nouveau grand patron d'Europe 1. Oui. Ah. Et je crois que la fumée lui a définitivement niqué son magnifique costume. Ah mais quoi ? Ah non. C'est bien vu. Il n'y a pas de rendez-vous. Il y avait un nuage de fumée. Non. J'étais à côté et il me dit, il y a un peu de fumée là. Je dis non. C'est dans la tête. Non. Et je dis non, je te jure ça sent pas. Et il m'a regardé, il m'a dit non. Dans tout l'immeuble. J'espère juste qu'il a pas rendez-vous important. Mais pourquoi je repose cette question. Pourquoi ils nous ont demandé d'aller mettre ce barbecue là-bas alors que c'est pire, ça va partout. Parce que apparemment ça a dérangé les gens d'Europe 1. Ah bah là ils sont servis là. Il y a toute la gueule qui a pris. Bon, en tout cas les amis, on passe un bon moment tous ensemble. Merci de nous suivre sur Facebook Live. Il y a un deuxième problème. Quoi encore. Il y a plus de charbon. Non, il y a plus de saucisses que de charbon. Arrête. Alors voilà, c'est un problème qui arrive chez assez peu de gens. Il y a encore beaucoup de nourriture, mais plus de charbon. Alors apparemment les équipes tout autour sont en train de casser des palettes de bois. Oui, alors, je vais être honnête avec vous. J'ai lancé une idée. J'ai dit, bon, vu qu'on déménage dans un mois, récupérez-moi tout le bois. Il y a peut-être des meubles qui servent plus. On devait pas arrêter là. Non, le problème c'est que quand j'ai fait cette vanne, je pensais pas que les mecs allaient chercher des vrais bouts de bois. Réussir les affamer quoi. Non, c'est magique, on passe un bon moment. Et on termine quand même par un truc que Miko a remarqué. Ah oui. C'est que mon fils, bon pour ceux qui suivent sur Facebook Live, ils l'ont vu, mon fils. Oui, on l'a vu. Mon fils est arrivé. Ouais. Voilà. Il est arrivé par le mec de la sécu et c'est Miko qui me l'a expliqué. Je l'ai vu du coin de l'œil. Le mec de la sécu a donc amené Valmont. Pour lui montrer où on était, c'est mon fils qui est arrivé là, et mon fils était là, et le mec de la sécu lui a dit il est là. Voilà. Comme s'il savait pas à quoi je ressemblais. Il lui a signifié qui était son père. Mais je pense que ton fils connaît la tête de tu as quoi. Ton père est là. Je te jure, qui est arrivé, il dit c'est papa. Il est là. Il est là, papa. Il est là. C'est ton papa. C'est papa. Ce moment, ça énorme. Ce moment est fantastique. Et voilà, il m'a demandé le mot de passe ou pas ? Non, je crois pas, non. Voilà, ton père, c'est lui. C'est lui. Très bonne soirée. Ah bon ? Bonjour, monsieur. Ah, c'est fantastique. Bon, alors voici le moment. Alors, on va revenir sur cette affaire qui n'est pas drôle. Condamné par la justice, ça se passe en France, à Vienne. Oui, c'est ça. Vienne, hein, je crois, c'est ça ? Oui, c'est Vienne. Où il y a un... Non, mais c'est aussi en Autriche. Où il y a un proxénète qui donc louait du Airbnb, mettait sa nana dedans, qui faisait la prostituée, oui. Qui faisait 6 à 7 clients par jour, et donc le monsieur a été condamné parce qu'on n'a pas le droit. Ah bah on n'a pas le droit de faire ça, c'est-à-dire on touche de l'argent, etc. Le proxénétisme est interdit. Bien c'est sûr. Ça. Donc nous, on s'est posé une question. On s'est dit, on va pas appeler pour dire qu'on fait des trucs cochons. Non, c'est pas bien. Si on appelait pour dire qu'on voulait y installer un cirque, on a une honnêteté. On dit tout. On appelle le gars, on lui dit voilà. On va y aller progressivement. Voilà. Appelle-le. Allez, okay. On sait ce que c'est comme appartement, on sait dans quelle ville C'est pas noté. Non, je l'ai pas. C'est quoi comme ville, ça pas noté Attends, c'est sur Paris. C'est sur Paris. Sur Paris. Voilà. Merci. Non. Merci. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, je vous appelle. Il y avait un numéro, on vous a contacté pour l'appartement, vous savez. Vous m'entendez ? Oui, bah, je ne m'entends pas très très bien. Ah, je suis désolé parce que je suis dans la rue là, c'est pour ça. D'accord. Voilà. L'appartement pour un location. Airbnb ? Oui, absolument, c'est le vôtre. Hein. Oui, tout voilà, à fait. Voilà, bonsoir. Je voulais savoir, il est grand ? Ah non, il fait 25 mètres carrés, c'est un T1 bis. C'est un ? Un T1 bis. T1 bis, oui, bah, c'est... on peut faire venir des amis, c'est ça que je veux. Alors après, c'est vous voulez une location de combien de temps ? Bah moi, j'avais envie de plusieurs soirs. Je suis pas fixé, mais je pensais une semaine. Une semaine, parce qu'après, on n'est pas contre à ce que vous organisiez des soirées, mais. Je vous arrête. Hein. J'invite des amis, mais rien de sexuel, pas de beuverie, pas de n'ayez pas peur. Non mais je préfère le non parce qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps dans l'actu, je sais pas si vous avez vu. Non. Bah, il y a eu des gens qui ont loué pour faire de la prostitution. N'ayez pas peur, hein. Voilà, il y a pas de beuverie non plus. On ne boit pas. Bah, j'espère bien quand même. Voilà. je peux faire Allô venir. Oui. Est-ce que je peux faire venir un clown ? Ça, je peux. Allô. Vous m'entendez ? Je ne vous entends plus. Vous m'entendez là? Là, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ça a coupé. Oh, mais on est à Paris. Mais comment elle peut ne pas m'entendre? Je sais pas. On rappelle, merci Michel pour cette analyse technique. Il a fait la même analyse que le mec de la SNCF il y a deux jours, Garcin Lazare. Je sais pas. C'est quoi la panne? Je sais pas. Allô? Oui, c'est on a été coupé. Pardon, pas très bien non plus. Ah, la capte pas chez vous. Bah, ça, je le note. C'est pas un bon point. Est-ce que je peux faire venir un clown? Un clown, bah après vos amis font ce qu'ils veulent, ça me regarde pas. Enfin non mais oui on peut. Non bah, parce que c'est voilà ça c'est, je peux. Pour organiser un goûter pour des enfants. Non mais on aime voilà je. Il y a de la hauteur sous plafond. De la hauteur sous plafond, j'irais pas jusqu'à dire ça, un plafond normal quoi. Un trapéziste. Ça fait un plafond normal. Ouais. Si je fais venir un trapéziste par exemple, il a de la, il peut ou pas? Mais je comprends pas. Les animaux, je peux. Chat, non, chien. On n'autorise pas les animaux, non. Zèbre, tigre, éléphant. Un tigre-éléphant, celui qui fait les deux. Calme-toi. J'imagine que c'est une blague. Ah non. Vous inquiétez pas, si l'éléphant fait popo, je le mettrai à côté, ça vous fera du compost. Hein. Ça c'est cadeau, vous aurez des beaux bégonias. Hein. D'accord. Non, mais de toute façon. Le revêtement du salon, c'est quoi? Parce que je voulais mettre 25 tonnes de sable, parce que c'est plus sympa pour les animaux. Je peux ou pas? Non, bah non. Et si vous voulez ensuite, c'est je mets 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants. Je vais perdre mon temps là. Enfin, je suis en voiture, j'ai pas. Voilà. Ah mais vous avez rien à faire. Moi, je mets la sono. Si vous avez de la sono, je mets ça. Bienvenue tout le monde dans l'appartement avec les ours, les tigres, les animaux, les trapézistes, les éléphants qui font caca, ça fera du compost, les clowns. Tout le monde est là, entrée 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants. Et... disponible, d'accord? Allô? Elle est partie. Elle n'est pas ouverte. Pas dans le délire des animaux. C'est qui, ça. Voilà. D'un autre côté, dans 25 mètres carrés, le trapéziste, rien que ça. Mais si, c'est... Ouais mais au moins il y a une forme de proximité tu vois. Le mec c'est une boule de flipper. C'est rapide hein, ça va vite. Bienvenue sur Virgin Radio Bichette, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Oshi. Vous savez que c'est la dernière heure d'émission? Oui. Déjà le barbecue va tout à l'heure se terminer, nous allons essayer le foot dance. Le foot dance. Bichette s'il te plaît. Elle est en train de parler là. Ah bah faut dire ça Oshi hein. Bah oui, vous l'engueulerez pour moi plus tard. Donc dans un instant, nous allons faire le foot dance. Le foot dance, terrain de foot, trois joueurs, une musique passe, vous dansez en jouant au foot. Non, mais c'est la musique change, c'est vous dansez avec la musique et vous continuez de jouer au foot. Mais comment on connaît le gagnant? C'est celui qui marque des buts ou celui qui danse? Évidemment, comme au foot. Ouais, mais si je danse mieux. Est-ce qu'il y a des points pour la performance Oui, ça on verra à la fin, okay. Je peux venir Jean-Marc Généraux. On verra. Bienvenue sur Virgin Radio, voici Oshi pour de bon. On y va, tout va bien. Suivez-nous sur Facebook Live. Elle était longue l'intro comme ça, monsieur. Derrière tes cigarettes, de mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas, t'es haut, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits en fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant. Que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la cata, c'est marrant. Viens dans mon équipage, rattrape-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Alors courons sur le sable. cherchons mon marin, prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire jusqu'à demain, elle se donne en l'air en maillot de bain. Marinière, cherchons mon marin, prêt à rester sur terre. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Koé, 18h-21h sur Virgin Radio. Ça va être l'heure dans un instant du foot dance. Oui, on est au taquet, on est au taquet, nous on s'entraîne. Suivez les images de ce, ça peut battre. Ça va être même maintenant. La Coupe du Monde de football. Bien sûr. Ça, 17 millions d'autres. Ça peut être un nouveau sport. Le principe, je fais les équipes, je mets Jeff, Pietre, Miko. Non, mais une fille avec nous. Bon, Jeff, Marie, Pietre. Ouais. Okay. Oui, Miko encore. Il Miko, arrive. Il était en haut avec nous. Miko avec Bordas surtout. Je mets Miko avec Bordas parce qu'il s'aime. Ouais. Il m'en manque un autre. Mastouf. Ah non, je peux pas. Mais si bah tu si. Peux. Ah non, allez. Je gère les trucs là. Moi, tu bah non, quoi. Tu descends, viens. Tu mais il va, Pietre, il va me tacler. Mais ouais. Non, mais je suis là. Non, ça va aller, Stouff, viens. Viens danser, Stouff. Viens alors, danser. À partir de là, vous avez ce côté-là. Ok. Ok. J'ai un petit peu peur que le terrain soit un peu petit par rapport au nombre de gens. On joue doucement. Hein. Voilà. Ensuite, c'est Miko avec son ailier droit Bordas. Oh non. Alors, attends, bon, non, par contre, je vais lui parler deux secondes. C'est pas un vrai match de foot, mec. Si. Détends-toi. D'abord, le but du jeu, c'est de foot dance. Vous dansez, je vous redis les règles. Vous dansez en fonction de la musique. D'accord. C'est un cha-cha, vous faites un cha-cha. Ouais. C'est un slow, vous faites un slow. C'est okay. Du disco, vous faites du disco. Ok. Si c'est de l'électro, vous faites de... Mais vous continuez de jouer. D'accord. Jamais, voilà. C'est pas s'arrêter pour danser. C'est danser en jouant. Ok. D'accord. Faut prévoir des ramasseurs de balles sur le côté. Alors, ouais. je voudrais quand même juste vous dire. Non, par contre, vous tirez pas comme des malades, il y a de la bouffe. Mais justement, on va jouer doucement, mais il y a des gens. Part sous la est-ce qu'on table, peut faire des célébrations quand Marc. Non, mais fais rien, mais je regrette de t'avoir mis. Mais déjà, Marc est dans. Quelle lourdeur. C'est ouf, le gars, il rajoute toujours un truc. Tu sais, c'est le gars qui te. Calme-toi, hey, c'est pas une. Jeff. Alors, Jeff, par contre, j'ai peur que ce soit l'inverse. Lui, il va jouer que sur la danse et il va pas jouer au foot. Non, mais t'as pas compris. C'est pas un contest de danse. C'est-à-dire que tu fais pas un but du jeu, c'est de marquer des buts. C'est pas un concours, c'est jouer au foot. C'est pas une battle. Hein. Donc on avance en dansant et tout. Voilà. Et c'est ça, ok. Tu le fais pas. Moi, parce j'ai que moi, je suis l'arbitre. Ouais, mais il a la hanche fragile. La musique passera dans les haut-parleurs. Et dans l'enceinte. On a pensé à tous. Voici donc, qui c'est qui fait gardien de but. Je vous rappelle qu'il faut un petit gardien de but quand même. Là, il y a des petits buts, j'ai pas. Non, ce serait peut-être bien qu'il y en ait un qui reste en place pour danser. Voilà, Jeff va au but. Non, Jeff, il a envie d'être devant. Ah, oui. Marie va au but. Mais Jeff va au but. Mais moi, faut que je marque des buts, moi. Je suis le seul à savoir jouer ici. Non, moi, je veux bien juste danser au but. J'ai un petit peu peur que cette séquence soit la séquence la plus ridicule. Allez, jamais je vais au but, je vais au but. Ah là là. Voici donc, le ballon est en train d'arriver. Je vais au but. Voici donc, tu vas filmer de là. Tu crois que c'est bien? Qu'est-ce qu'elle lui on sait pas. Hein. Ouais, c'est bien. Le ballon au milieu. Faut là. Que t'aies leur tête quand même. Hein. Faut que... On a qu'une caméra. Ouais, évidemment. Oh. Évidemment. Enfin, le regard. Ah, c'est pas les 30 caméras qu'ont les mecs pour filmer la Coupe du Monde. Nous, on en a qu'une. Bon, ouais, attention. Mais nous, on a de la musique. Les gars, le ballon au milieu. Ouais. Bichette, si on a le temps. Bichette, on a combien de temps devant nous? 5 minutes. C'est largement suffisant, 5 minutes. Attention, la musique passe. Et dès que je dis on change de musique, vous changez de style et vous jouez au foot. Tu l'annonces pas avant quelle musique c'est? Oui, dis-nous ce que c'est. La première, non, je ne les ai pas. Ah ouais. Non, vous adaptez. On y va? D'accord. Allez. Attention, le match est parti. C'est parti. C'est disco. Avance Jeff, avance. Y a pas de son, attendez, stop, pause. On m'avait garanti du son dans le studio les gars. On m'avait garanti qu'on aurait du son, y a pas de son. Non, coupe le son, coupe la musique. On m'a dit il y aura du son dehors. Faut mais l'enceinte elle est faite pour que quand les micros soient branchés, la musique se coupe. Vous n'avez pas pensé à ce détail? Si, normalement si c'était. Normalement, moi on m'a dit qu'il y avait que les micros qui passaient pas, mais toute la musique passait. Voilà, là on l'entend. Bon. Vous êtes prêts? Ouais. Alors c'était disco. Attention. D'accord. On y va. Attention, on change. Allez. Être ridicule. On change. C'est quoi ça? Tectonique. On part d'acier les premiers degrés. C'est n'importe quoi. Alors vu l'extérieur, c'est ridicule. Hein. On change. Tango. C'est en couple, c'est en couple. C'est en couple. C'est en couple. C'est le truc le plus ridicule que j'ai vu de ma vie. Je dansais au moins. Qu'est-ce que t'as foutu? Je dansais. La musique continue, les amis. Hein. Continuez. Oh, Griezmann. La musique continue. La musique continue, on ne s'arrête pas. On change. Change. On a mis le but. Allez. Ça a changé. C'est du twerk. Twerk. Nous le ballon. On change. Ah, la dernière est formidable. La dernière. Et les deux bras. Bordas, on danse en même temps. Ne mettre que des buts. Continue. C'est moi, pause. C'est moi, quelle est cette règle du jeu où on joue avec deux ballons? Le terrain il fait 6 mètres sur 2. Vous m'avez mis deux ballons. Je suis mort. Mais mec, on dirait l'équipe de 98 au bout de 40 minutes de jeu. Qu'est-ce que vous me faites? Je suis mort. Hey, les gars. Ah non, les gars. Mais vous savez jouer, combien de temps ils ont joué, Bichette? Franchement, attends, 2, 3, il y a 2 minutes. On a dansé en même temps. On danse en même temps, c'est vrai. Eh bien les amis, bienvenue sur Virgin Radio, nous venons de lancer le grand concours de foot dance. Je t'ai postillonné dessus, je crois. Eh, il y a un but que tu nous as pas compté. Moi je m'en fous, j'ai pas compté ce concours. Changement. Oui, bon on va changer tout court, on fera autre chose après. A tout de suite, restez avec nous, qu'est-ce qu'on fait Bichette là? Ah bah là c'est un pull. Ok, j'envoie les minceurs, j'envoie l'eau minérale, j'envoie les merguez, j'envoie le ketchup. Et dans un instant on est de retour, à tout de suite. Pour fêter le début des vacances. I get to go to the beach. Summer is like the best season. Virgin Radio vous prépare la plus grosse soirée de l'été. It's summertime, baby! Électrochoc. Le 29 juin. On va faire la fête tous ensemble à l'éphémère à la Grande Motte. Avec tous les DJ stars électro de Virgin Radio. Électrochoc. Martin Solveig. Envoyez maintenant Electro au 7-12-13. 2 fois 75 centimes plus coût d'un SMS. Et gagnez votre séjour plus vos places pour Electrochoc. Electrochoc. La plus grande tournée électro gratuite de France. Salut, c'est Camille Combal. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Alors faut plus hésiter les copains. Pour donner son sang, il faut juste avoir 45 minutes devant soi et le prélèvement dure que 10 minutes. Vous arrivez, vous vous laissez guider, franchement c'est hyper simple et vous faites une bonne action. Allez sur le site de l'établissement français du sang, dondesang.efs.sante.fr. Je compte sur vous. Et si vous viviez plus intensément les matchs des Bleus? Moi, avec Orange, j'ai la Livebox. On va pouvoir suivre les matchs des Bleus comme jamais. Pareil. Mais moi, en plus avec Orange, dans mon studio, les matchs sont en haute définition. Canapé ergonomique? Pareil. Frigo dans les accoudoirs? Pareil. Ouais, mais moi, je veux juste les regarder avec toi. Pareil. Ah. Ne ratez rien des matchs des Bleus avec la Livebox Zen à seulement 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis 36,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec engagement 12 mois et selon éligibilité. 17€ par mois remboursé avec changement d'opérateur après le 17 mars. Détails sur odr.orange.fr. Showroom privé présente. Une robe pour le boulot, une robe pour Vargelot, une robe pour un pince-fesse, une robe pour la messe. Petite robe d'été ou grande robe de soirée, une robe très haut là là, robe ceci, robe cela, avec showroom privé. Vraiment, faut pas se priver. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques, avec l'appli showroomprivé.com. Il est

parti en couille, y a d'abord eu la pluie. Malade Murphy a décidé d'enterrer mon brushing. Un mec me demande son chemin, gentil, moi je le dépanne. En fait, c'était qu'un plan de drap avec ce con m'a fait rater mon train. Dernier barbecue de l'année, c'est Koé qui l'organise et tout le monde est invité. Par contre, faut venir avec sa merguez. Koé slash 18h-21h sur Virgin Radio. Coco, les amis. Oui. C'est parti, attendez, micros. Écoutez. Allumez tous les micros. Écoutez bien. Oui, non. C'est allumé, hein. Là, voilà. C'est au coin du feu que tous ensemble on joue. Tu sais jouer toi ou pas, ouais, globalement? Tu sais jouer ou... Non mais je transpire des doigts alors c'est... Ouais. Tu transpires on a mis Jeff à la guitare. C'est une éponge, il transpire du front. Regardez-moi ça, on a l'impression qu'on est au Kenya. Le mec il fait un safari photo. Et t'as perdu la mèche hein Jeff. Eh arrête, mais arrête. Ce look là de prof de histoire géo, c'est pas possible. Mais non, hein. Marie, quand il parle, tu peux arrêter de le mettre sur la guitare et sur sa bouche, le micro. Non, parce qu'il y a un moment, c'est pas vrai. La guitare. Tu sais que c'est pas la guitare qui parle, c'est lui. Hein. J'étais loin. Elle était en train de... Elle avait laissé le truc contre la guitare et elle regardait la bouche. Elle dit, c'est marrant, j'entends pas. Et je le regarde en plus, je continue bon, de le regarder. Bon, bienvenue. La dernière demi-heure d'émission, vous savez quoi, on a passé un très bon moment. C'est pas fini encore parce que... Alors, on a un problème technique, je le dis, hein, ça ne passera pas aux 20h de TF1. Mais quoi? Il n'y a plus de charbon de bois. Oh là là. Ah, c'est sérieux, donc je remercie les équipes d'Europe 1 qui ont tenté de casser des palettes et des portes pour essayer de faire du feu. Ça n'a pas marché du tout. Les mecs, ils avaient faim, ils avaient la dalle. Hein. Ils ont vu le stock. Mais vous savez qu'il y a plein de gens qui vont repartir avec à manger. Hein. Ah ouais, oui. Ah ouais, il y a du stock. On ne cache rien. J'ai pas des partenaires à remercier, des gens qui ont joué si. Le jeu. Il y a labellevie.com, c'était pour les apéritifs et la viande. Oh, labellevie.com, et ils sont adorables en plus. C'est ceux qui j'ai fait des photos tout à l'heure, ils sont gentils comme tout. Et leur site est top. Et il y a l'application Call et Alerte Apéro. D'accord, ah oui, on a quand même réquisitionné du monde là pour... Attends, pas de budget, faut bien que ça vienne, je comprends. Donc en tout cas, donc on les remercie tous. Oui. Et parce qu'ils ont été vraiment super. Oui. Voilà, on a passé un bon moment. Ça n'est pas fini. Et non. Maintenant, nous allons réconcilier des ennemis. Il faut la planche. C'est le moment de gagner la possibilité d'avoir deux fois, c'est ça, hein, Stoff? Oui, c'est ça. Deux fois, deux voyages pour aller à la Grande Motte. Oui. Pour avec aller nous voir à l'Electrochoc pour la dernière de la saison le 29 juin avec Synapson, Martin Solveig et petit moi-même. Biscuit. Et puis Petit Biscuit. Et puis moi-même. Et puis d'autres qui. Et Synapson. Qui est moi-même. Voilà. Et Saint-Lanvin aussi. Comment? Saint-Lanvin. Et moi-même. Donc en tout cas, nous serons tous là-bas. Et le principe, ça va être maintenant de réconcilier. Ce qui n'est pas réconciliable. Alors voilà. C'est pire que Marseille Paris. Nous avons d'un côté les amateurs de plancha. Aux amateurs de barbecue. Oh. Alors je sais que ça c'est deux salles, deux ambiances. Ah bah là, mais la braise, il y a ceux qui aiment et ceux qui pensent que la plancha, il n'y a rien de mieux. C'est on dirait l'affiche d'un gros match de foot. Mais ouais. C'est un classico, c'est ou ça. Ou de boxe. Ah là, on dirait deux boxeurs, la plancha contre le barbecue. Oui, la plancha, c'est vrai que ça fait un peu barbecue. Ça fait catcheur. Ça fait combat de catch dans une fête foraine à 5€ l'entrée. La plancha, 127 kilos contre le barbecue. Ah. Bon, attention, ça c'est quelle escroquerie des matchs de casque. Oh, quand les mecs, le rêve. Quand, les mecs, ils font semblant de se taper, ils se prennent la nuque, et l'autre fait... Oui, mais tu le sais là-bas. Ils sont fantastiques. On va jouer, on a qui contre qui? On a Marina de Perpignan. Marina, bonjour ma chérie, comment ça va? Qui défend les barbecues. Oui, Marina, ça va? Oui. Salut Marina. Marina, donc on est d'accord que tu défends le barbecue, pourquoi Marina? Bah parce que déjà j'en vends, je suis commerciale dans les barbecues et parce que bah y a rien de mieux que le goût du charbon. Voilà, et la plancha, tu trouves que c'est quoi? C'est pas... Bah c'est comme une poêle. Ok, c'est vrai, c'est comme une poêle. Comment s'appelle le garçon qui défend les planchas? Ludovic. Ça va Ludovic? Salut à tous, non mais hey, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, sérieux. Allez, ça commence. Et c'est premier degré. Non mais ça, non, c'est pas, elle est pas sérieuse. Ah non, elle est pas sérieuse. Ah non, alors toi tu es plutôt plancha donc hein. Ouais, bon après j'ai déjà mangé des barbecues mais bon, oui. Goûte à la plancha, voilà. Ouais, ouais, il paraît que c'est ça un peu le truc. Hein. C'est que la plancha est plus récent que le barbecue. Oui. Et il y en a beaucoup qui ont viré de bord une fois qu'ils ont goûté à la plancha. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Hein, et alors moi, je m'implique pas. Hein. Et alors moi, je vais être la Suisse du barbecue. Ouais. Parce que maintenant, il y a des planchas qui s'adaptent sur les barbecues. Oui. Voilà, je dis ça parce que j'en ai cherché une il n'y a pas longtemps. Alors attention, vous allez jouer, vous allez devoir réfléchir ensemble et me donner une seule réponse. Oui. Ok. Et si c'est bon, je vous invite le 29, vous venez à la Grande Motte avec nous. Il y a un bon. C'est deux cadeaux ou rien en fait. C'est deux cadeaux ou rien du tout, c'est très bien. Vous êtes prêts? Je comprends pas ça. Eh ben oui. Je crois que j'ai tourné toutes les pages de mes feuilles et je n'ai pas trouvé le jeu. Je crois que depuis tout à l'heure, je tourne des pages. T'as fait quoi dans l'émission? Je tournais des pages. Voilà, parce qu'il y a des émissions, vous savez, en théorie, le mec fait un truc, il y a quelqu'un qui arrive, tiens, voilà ta fiche. Mais et là, moi, on me file un truc tout pourri à graffer, on dit des merdes. Parce que toi, la personne qui est censée faire ça, boit du rosé. Merci, ma petite Marie. Vous êtes prêts? Yes. Oui. Voici la question. Quelle est la tranche de température idéale pour le fonctionnement d'une planche? A, entre 170 et 230. B, entre 240 et 300. C, tu mets la main de ton gamin. Si se met à crier, c'est que c'est bon. C'est B, c'est B. B, ouais, on va dire pareil. On valide? Oui. Réponse commune? Oui. Mais ouais, on peut me faire confiance, ça. C'est B, entre 240 et 300. Gars, moi, j'ai une plancha, je mets 270 exactement, et ça passe. Deuxième question, d'où vient le mot barbecue? A, de barbacoa, un outil pour retirer la viande. B, de berbecoa, boire et manger en Afrique du Sud. C, le créateur du barbecue avait une forte pilosité, d'où le mot barbecue. Attends, c'était quoi déjà la réponse B? B, c'était berbecoa, qui veut dire boire et manger en Afrique du Sud, ou A, barbacoa, un outil pour retirer la viande. Ah oui, barbacoa. Il faut répondre ensemble, les amis. Mettez-vous d'accord. Barbacoa aussi, ouais, là, barbacoa. Vous êtes d'accord? Ouais, ouais, ouais, je la suis. C'est bien, c'est bien. Il se trouve que... Musique suspense qui monte. Alors? Le rire selon. Comme on disait au Congo. Qui mange une noix de coco fait confiance à son anus. Merci. C'est la bonne réponse, barbacoa. Bravo. On continue. Qui est le plus rapide pour cuire une côte de bœuf d'un kilo saignante? Le barbecue, la plancha ou les deux sont équivalents? Oh. Bah, le barbecue quand même. Non? Ça chauffe à combien le barbecue? Du coup, là, si la plancha c'est à 250, Ah, il est au taquet, il a fait. Bah, tu peux le mettre à plus, mais pour bien se désirer une viande, un barbecue, c'est mieux qu'une plancha quand même. Mais c'est une question de température. Ouais, allez, ça va plus vite. Parce que sinon il y a les deux, mais est-ce que non? Bon, on part c'est sur le barbecue. Vous avez dit, Bon, on valide le barbecue, mais moi je suis pas très sûr, mais voilà. Ouais, la réponse est... Comme on disait à Yaoundé, Jumanji. Les deux. Bah oui. Ah là là. Les deux sont équivalents. T'aurais pas dû lâcher la plancha. Ouais. Écoutez bien cette question. Si tu prépares un barbecue avec Jeff, quelle pièce de bœuf dois-tu prendre pour que ça soit le moins cher possible, étant donné que Jeff va en manger 3 kilos? Petit A, la poire de bœuf. Petit B, le filet de bœuf. Petit C, tu te fais pas chier, t'achètes le bœuf, il taillera les steaks. Bah, la C, c'est pas mal, hein. C'était quoi On joue pour vos invites, tout frais payé avec qui vous voulez pour aller à l'électrochoc le 29 à la Grande Motte. J'ai pas bien compris. Quelle est la pièce de bœuf la moins chère? La poire de bœuf ou le filet de bœuf? La troisième, c'était une vanne. La troisième, c'est une vanne. Je les sentais partir sur la troisième. Oui, ça. J'étais presque à dire que... C'est plus cher, le filet, non? Non, mais en fait, j'ai jamais vraiment entendu parler de la poire de bœuf. Oh, bah, quand même. Je voyais Jeff qui hésite. Hein. Ah, mais non, si je sais. Ah, tu sais. Alors, j'attends votre réponse. Vas-y, je te fais confiance parce que... Elle se dédouane. Bon. Allez. Donc, la poire ou la... Le filet. Ou le filet. Le filet, je pense que c'est plus cher. Alors, vous valide quoi? Moi, je dirais la poire. Allez, pas pour la poire. Il dit la poire. Et la bonne réponse est... Suspense. J'ai du tam-tam, là. Chaud, du tam-tam. La poire. Voici la dernière question, la question à 6000 points. Qu'est-ce qui est le plus écolo? La plancha au gaz, le barbecue ou Nicolas Hulot dans Ushuaïa qui est déchu tous les animaux avec 25 hélicoptères. Vous vous souvenez de ça? Personne n'est jamais venu dans cette contrée lointaine à un moment où l'homme n'est jamais venu. Sauf moi maintenant avec 22 smirmorques, 4 hélicoptères, 5 ULM, 12 4x4, on a coupé 25 arbres et on va laisser un bordel de fou. Mais pour l'instant, c'est très très beau. Vive la nature. Alors, la plancha au gaz ou le barbecue? La troisième. Le plus écolo, moi j'aurais, je sais pas, barbecue au gaz. Plancha au gaz. Plancha au gaz. Ou barbecue. Et barbecue comment normal, okay. classique, charbon de bois, la base, le Weber. Ah bah ce qui consomme le moins c'est le charbon. Non, j'ai pas dit consomme le moins. T'écoutes quand je te parle. Le plus écologiste, le plus écolo. Ah oh, bah ouais, bah je dirais la plancha quand même, c'est plus écolo. Ah bah non, j'en suis barbecue. Plus écolo. Bah le gaz. Le charbon c'est plus naturel, je sais pas. Le plus écolo. Ouais, le plus écolo. Le plus écolo. Souvenez-vous de l'état des villes au 19e quand les usines étaient au charbon. Je dis ça, je dis rien. Alors la plancha. Bah oui, la plancha, ouais. Allez, ça veut dire la plancha. Et la réponse est... Allez, rejoue du tam-tam debout, ce coup-ci. Joue du tam-tam debout. Je joue super bien du tam-tam. La plancha au gaz. Bah oui. Bah oui. Bah oui, parce que c'est du feu de charbon de bois pour cuire les aliments. Ils contribuent à la destruction de la flore. Et donc ils sont moins écolos. Ah. Ouais. Rien voilà. Que les émissions de CO2 aussi. Et voilà, c'est tout. Oui. Je vous invite tous les deux à l'électrochoc le 29. Attends. Merci, merci Corée. Je vous fais des gros bisous, vous allez kiffer, il va faire beau. On a regardé la météo ou pas? Pas encore. Il va faire beau. Trop tôt, le 29. Il va faire beau, sinon je mixerai dans ma chambre. Et pas Montpellier, c'est la Grande Motte. Oui, c'est très loin. Ça n'a rien à voir. À la Grande Motte, à 5 minutes de Montpellier. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Bisous, ciao. Bisous, merci, mademoiselle, à bientôt. Bravo. Salut, restez avec nous sur Virgin Radio. Dans un instant, on sera de retour pour la suite. Ça va, vous avez bien mangé? Ah, oui, oui, oui. Très bien. Vous avez mangé? Trop. Tu vois, ouais, t'avais peur de manquer, Miko. Il est un peu en descente, Miko. Ah, c'est à cause du foot, là, disco foot. J'ai... Ah, bah, ça m'a tué. À tout de suite, on revient. Leave my door open just because my dreams are bursting at the seams. Koé. 18h-21h. Sur Virgin Radio. Grave erreur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai joué au foot. Mais on t'avait dit de pas le faire. Et alors? Grave erreur. Ah ouais, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus essoufflé que moi. Bon alors. T'as joué avec ton fils? Ouais, ouais, ça c'est vrai, on n'a pas vu. Ça, ça tient pas là. Il tient que son père au niveau du sport? J'ai cru à l'impression. Bon alors. Il y a une grande famille de sportifs finalement. C'est vrai qu'il est pas bien ton fils. Je vais 3 minutes, il est au taquet là. Il est trop dans le mal. Il regarde, il est pas bien. Il reprend son souffle. Alors que moi, quelle santé. J'enchaîne une émission. Bien sûr, j'ai pas de problème. Bon, on fait quoi maintenant, Stouf? Le Radio Pong. Non, on regarde à la fin. On n'a pas quelqu'un en ligne à qui on pourrait dire bonjour? Non, un peu. On avait le jeu de mots. Ah oui, on a le jeu de mots. Ah, c'est bien ça. Ah oui. L'appel jeu de mots. Nous allons tenter ce soir. On le fait tout de suite et on fera. Ouais. Vous connaissez le principe des bières pong? Vous connaissez ce système là? Oui, évidemment. Vous avez des pots. Prenez une balle de ping-pong. Et big, et c'est un rebond. Et tu dois boire là, le verre dans lequel est tombé ta balle de voilà. Ping-pong. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est un truc à faire chez les gens qui ne prennent pas la voiture, bien sûr. C'est pour ça qu'on a commencé par mettre des Virgin Mojito. Voilà. Et ensuite, on a changé un peu la règle. Alors, on a changé la règle. Je vous explique ce qui va se passer dans un instant après le jeu de mots. Nous allons donc tenter le beer pong. Je cherche. Radio pong. Le radio pong. Radio pong. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y aura des verres. Ouais. Les verres représenteront une radio. Oui. Ouais. Avec à l'intérieur un contenu qui va avec la radio. C'est ça. Les premiers verres, il y aura des Virgin Mojito. Tu tapes dedans Virgin Mojito. C'est bien, c'est sympa ça. Il y aura deux verres remplis d'Energy Drink. Ouais, ok. Energy aussi. Il y aura deux verres remplis de nostalgie. Ce sera un Fernet Branca. Oh non, okay. Ouais, c'est un truc de vieux. Oh, c'est comme la Suze là. Nous aurons un verre de Sky. Un verre de ce Sky. Sera des Whisky. Ah, ouais. Ouais. Et un verre d'Europe 1. Ce sera vide. Non, et on salue d'ailleurs les copains dans la cour. On les embrasse, ils sont tous venus ce soir, c'est une tuerie. Bon, mais pour l'instant, le jeu de mots pourri. Oui. Nous allons essayer d'appeler. C'est combien? On a fait un prénom d'abord. C'est combien? Tu comprends? T'as compris? Je viens de le comprendre. Je l'ai lu trois fois, je comprends pas. Bah si, là, quand même. Je dois être con ce soir, je viens de le comprendre. Nous allons appeler une personne qui s'appelle Salomé, c'est le prénom. D'accord. Et ensuite, nous allons tenter d'appeler Monsieur Guez. Et Monsieur Porti. Ce qui nous fera. Ok. Salomé Guez Party. C'est la Morguez. Hey Guez Porti. Non. Salomé Guez. Salomé Guez. Guez Porti. Porti. Bon allez, j'appelle Salomé. Allez, on y va. Et après, vous m'enchaînez tout le monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on est con. Il est temps que cette émission se termine, ça m'a fatigué. Du sport, un barbecue. Oh, c'est trop. Jeff qui joue de la guitare, tout ça. On n'y a pas le droit encore ça. Bah, il a chanté tout le temps, t'es sérieux ou quoi? T'étais où? Allô? Ouais. Oui, Salomé. Allô? Allô? Oui. Vous êtes Salomé, bonjour, je suis Koé de Virgin Radio, vous allez bien? Salomé? Ouais. Bonsoir, ouais, je suis désolé de vous déranger Salomé, je voulais vous présenter. C'est Koé, vraiment Koé? Oui, je voulais vous présenter deux personnes. Madame Guez? Oui. Bonsoir Madame Guez, je voulais vous présenter Salomé. Oui. Salomé, tu peux dire bonjour à Madame Guez? Bonjour Madame Guez. Bonjour Salomé. Voilà. Et nous avons peut-être Madame Porti ou Monsieur Porti? Oui. Madame Porti? Oui. Madame Porti, il y a Madame Guez qui est là et Salomé. Bonjour. Voilà. Bonjour. Et vous trois réunis, ça fait Salomé, Guez, Porti. Salomé, Guez. Mais Guez Porti, quand il y a de la braise, c'est pas fini. Salomé Guez. Je suis consterné. J'ai honte. Je vous embrasse. C'est fini. Vous pouvez raccrocher. Je vous souhaite une bonne soirée. Il nous reste Salomé. Salomé. A bientôt ma petite Salomé. Des bisous. Salut, je t'embrasse fort. A bientôt. Gros bisous. La soirée était bonne. Tu faisais quoi? On t'a dérangé? Ah bah, je suis en train de manger. Et bah, bon appétit. Qu'est-ce que tu mangeais? Mange tout. Des pâtes et des aiguillettes de poulet à la crème. Des pâtes et des aiguillettes de poulet à la crème. Attention, l'été arrive, ma chérie. Ça, c'est un plat d'hiver. En théorie, on remplace. Mais je vais faire du sport demain. Oui, mais enfin, le sport de demain, il n'est pas pour enlever les aiguillettes et la crème. Il est fait pour être mieux pour l'été. C'est pas faux. Bah oui. Merci, Koé. Tu l'as déprimé pour la soirée. Ah non, mais c'est vrai, faut pas alors manger ça. Alors que nous, on a fait diététique ce soir. Bah oui. Salomé, faut pas manger ça. Ouais. L'été arrive. Qu'est-ce que tu nous manges ça, toi? Mais non, mais je suis bien gaulée, je peux. Ah, J'adore, j'adore. Bravo, Salomé. Mais c'est pas vrai, les gens bien gaulés ne mangent pas des aiguillettes de poulet à la crème avec des patates ou de la. Bah oui. Mais non, combien tu mesures? 1m65 et 53 kilos. Elle est très bien. Elle est très très bien. Lito, je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Bisous. A bientôt. Quelle vanne, Salomé Gay Sporty. Oh là là là. Anthologie. Ah, j'ai envie de faire comme Barack Obama. Il a lâché le micro. Barack Obama. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On le fera après. Bah, il reste 8 minutes. 8 minutes? Ah, ouais, 8 minutes. Où est-ce que tu as vu un R à la fin de minutes comme dans 8? Ah, ça va, et je te reprends pas, moi, quand tu te trompes. Bah oui, il y a 8 minutes. Ouais, c'est ça. Alors. Pourquoi tu les sors pas, Stouf? C'est vrai, t'as pas vu beaucoup, Stouf. Bah, parce qu'il y en a qui travaillent pendant qu'il y en a qui branlent rien. Bah, enfin, tu lis des fiches, tu peux les lire en bas. On est à l'antenne, Stouf. Elle veut surtout pas laisser tout seul. Mais oui, à l'antenne. Mais descend aussi, Bichette. Mais non, on peut pas. Ah, Bichette, il peut pas. Eh, Stouf, est-ce que je peux te dire que une merguez partie sans toi, Stouf? Ça n'est pas la même ambiance, mais il en reste plus pour les autres. C'est horrible. Arrête. Moi je te défends, Mastou. Elle a l'air contente d'entendre ça. Ça fait plaisir. Elle va arriver. Non. Non, là, je pense pas. Stouf. Non. Stouf. Non, je t'entends plus. Miko vient de me montrer un snap qui vient de la place que tu as dans le studio. Peux-tu me parler de ces deux assiettes vides et ces trois bières? Les trois cadavres. J'ai pas d'assiette. Non, bah parce que là, il y en a plus, forcément. Ouais. Le plateau. Elle est à ta place, la Coco. Mais c'est pas à moi, ça. Hein. Bah, bien bon, sûr. C'est arrivé là par hasard. C'est pas à moi, je te jure que c'est pas c'est à moi. C'est des gens qui vous ont montré des assiettes vides. Oui. Et oui. Voilà. Ça c'est sympa. Hein. C'est sympa de monter des assiettes vides. C'est à Bichette. Voilà. Bah oui. Et les verres se sont vidés tout seuls. Allez, vas-y, mets-nous un titre. On revient dans un instant. Reste avec nous sur Virgin Radio. Qu'est-ce qu'on écoute, Bichette? Eh ben, Cécilia Krull. J'adore Cécilia Krull. Elle est avec nous mardi. Ratez pas mardi prochain. Il y a Michael Youn qui sera là pour l'avant-dernière émission en public. Virgin Radio. Coco, on est à l'antenne, je crois. Coco, on est à l'antenne. On est là. Ça va. On peut travailler, on est en train de gérer le stock de viande. Excusez. Tu gères le stock de viande. Qui prend quoi? Autant pour il moi. Il est prêt pour aller se coucher. Ah bah écoute, moi je suis repu. Il a une petite mine, il me regarde depuis. Il commence à briller là. Il commence à se recoiffer en trois doigts. Il brille le Jeff. Là, il brille, il a chaud, il a les yeux. Il a les yeux qui roulent mais dans des sens opposés. C'est ça. Moi j'ai dansé pendant le. Ses yeux, c'est des boules de loto. Elles tournent, tu sais. Ça va, ça a été? C'était super. Oh bah écoute, je suis ravi, Jeff. C'était super. Non mais c'est bien. Je suis bien. Ravi. On passe pas. Non mais sans déconner, alors il a vraiment joué de la guitare ou pas? Mais oui. Ah, oui. Mais j'étais où moi? Bah t'étais là en plus et tu disais. Vous savez ce qu'on va faire ce soir? Non, pendant le Facebook Live, mais vous savez ce qu'on va faire? On va faire un truc. On fait chanter des fois des temps de chanteurs qu'on ne connaît pas. Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai envie que dans un instant on finisse cette émission. Jeff à la guitare. Et en plus, il a une belle chanson qu'il a répétée tout à l'heure. Jeff à la guitare, Marie en hommage à notre Bordas. Ah, Marie au chant. Et on se met à chanter comme ça pour la fin de l'émission. Allez, moi je suis d'accord. C'est mignon. Il y avait beaucoup de gens sur Facebook Live qui disaient que Jeff faisait semblant de jouer de la guitare. Vous savez quoi, il fait semblant de chanter. Rendez-vous dans un instant sur Facebook Live et vous verrez s'il fait semblant. Les deux jouent vraiment de la guitare. Maintenant, t'as intérêt à bien jouer, mon grand. Je te signale que ça là, tu la vois? Tu la vois? Non mais c'est Marie qui chante. Tu la vois? Oui. Ok. Tu joues bien. Fais voir. Combien de temps il nous reste, Bichette, avant la pub? 3 minutes. 3 minutes. Bon, demain qui joue pour l'équipe de la Coupe du France du Monde? Espagne-Portugal demain. Espagne, gros match. Demain, toute la communauté portugaise de France ne rit plus là. Mais surtout, l'Espagne est mal en ce moment parce qu'ils ont perdu leur sectionneur. Oui, ils viennent d'en engager un nouveau. Oui, mais ils disent qu'ils s'en foutent. Oui, apparemment, ils s'en foutent parce que les cotes n'ont pas bougé. Ils disent que les joueurs et pour les favoris, apparemment, donc c'est Brésil en premier, Espagne, Allemagne et France. On est quatrième. On est quatrième. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais sur le papier, on a l'équipe la plus chère du monde. C'est vrai. Est-ce qu'on a une chance? Honnêtement, oui. Et d'après les parieurs, le meilleur pari à prendre, il est sur la Belgique. Parce que la Belgique est à x10. J'ai jamais compris. Ils ont une très très bonne équipe. Les Belges ont une très très très bonne équipe. Ouais, mais la Belgique, c'est magique. Restez avec nous dans un instant, on est de retour sur Virgin Radio. Dans un instant, on finit en chanson. Ça va se passer ici. On aura le pont, je sais pas, on verra ce qu'on a le temps de faire, d'accord? A tout de suite, ne bougez pas. C'est là que ça se passe, comme tous les soirs, 18h-21h. Et dépêchez-vous, envoyez vos SMS pour gagner 18 000 euros. 7, 12, 13. Virgin Radio. Virgin Radio. La radio des vieilles charrues. Du 19 au 22 juillet. Plus de 280 000 personnes. Ça risque d'être énorme. Faut le vivre. C'est le plus gros festival de France. Forcément. Virgin Radio est partenaire. Gagnez vos passes pour applaudir sur scène. Au Offenbach. Orelsan. Tout va bien. Tout va bien. Eddie de Préto. C'est la fête de trop. Angèle. Charlotte Cardin. Au signal. Envoyez un SMS au 7213 code Virgin Radio. 2 x 65 centimes plus prix du SMS. Et partez vivre le plus gros festival de France grâce à Virgin Radio. Les vieilles charrues se gagnent forcément sur Virgin Radio. La radio des festivals. Envie d'encourager de jeunes talents? Firestone vous donne rendez-vous du 30 avril au 25 mai sur musictalent.firestone.fr pour voter pour votre artiste préféré. Les places à gagner pour assister à la finale du 19 juin en présence de notre ambassadeur Juliane Peretta sont aussi sur musictalent.firestone.fr. Et si vous viviez plus intensément les matchs des Bleus? Moi, avec Orange, j'ai la Livebox. On va pouvoir suivre les matchs des Bleus comme jamais. Pareil. Mais moi, en plus, avec Orange, dans mon studio, les matchs sont en haute définition. Canapé ergonomique? Pareil. Frigo dans les accoudoirs? Pareil. Ouais, mais moi, je veux juste les regarder avec toi. Pareil. Ah. Ne ratez rien des matchs des Bleus avec la Livebox Zen à seulement 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis 36,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec engagement 12 mois et selon éligibilité. 17€ par mois remboursé avec changement d'opérateur après le 17 mars. Détails sur odr.orange.fr. Show privé présente. Revoilà le beau temps, revoilà le printemps. À nous les crèmes solaires, les petites chaussures légères, les robes qui font scandale et les petites sandales. Chemise légère pour lui, maillot de bain de petit avec showroom privé. À moi le bel été. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques avec l'appli showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Casilambiste. Give me a love, 33 000 feet, le premier album de Song. On écoute sur Apple Music. Moi, c'est Étienne. Pour mon nouvel appart, j'économise 15 000 euros sur mon assurance emprunteur. J'ai fait une simulation en ligne, échangé avec un conseiller EOVMCD et souscrit à Aesio Protection Emprunteur en quelques clics. Facile. Et oui, changer d'assurance emprunteur en souscrivant à Aesio Protection Emprunteur, c'est économiser sans effort jusqu'à 15 000 euros. EOVMCD Mutuel, une marque du groupe Aesio, offre soumise à condition. Économie moyenne constatée selon profil de l'emprunteur au 31 décembre 2017 par rapport à un panel d'offres concurrentes sous réserve de décision médicale de l'assureur et des conditions d'obtention du prêt. Bienvenue chez votre distributeur Skoda. Monsieur Thomas pour vous aider. Oui, c'est Monsieur Guyet. La Skoda Octavia, elle a la garantie 5 ans offerte? Oui, Monsieur Guyet. La garantie 5 ans est offerte sur toute la gamme. Bienvenue chez votre distributeur Skoda, Monsieur Thomas. Et le Skoda Kodiaq, vous allez pas me dire qu'il a aussi la garantie? Monsieur Guyet, la garantie 5 ans est offerte sur tout... À l'occasion des jours Nouveau Départ ce week-end, venez profiter de la garantie 5 ans offerte sur toute la gamme Skoda. Oui, toute la gamme. Offre à particulier jusqu'au 19 juin 2018. Conditions sur skoda.fr. Je suis la super remise de chez Castorama et avec mes copines du rayon cuisine, on a une nouvelle qui va vous mettre l'eau à la bouche. Pas vrai les copines? Oui! Jusqu'au 2 juillet, Castorama vous offre 20% de super remise sur les caissons et les meubles de cuisine. Oui, 20% pour tous vos projets cuisine. Mais c'est seulement jusqu'au 2 juillet, alors pas de temps à perdre. Castorama, ensemble on peut tout faire. Offre valable sur les façades et caissons de cuisine, hors commande en cours, KitchenAid, Cuisine All In, Spicy et Prima Light. Voir conditions au magasin, liste des magasins ouverts ce dimanche sur castorama.fr. Tous les dimanches, 20h minuit. Let's go! Préparez-vous pour la reprise avec le Lab Virgin Radio. Faites le plein de live avec vos artistes Virgin Radio préférés. De découvertes et d'interviews exclusives. Cette semaine, Lionel reçoit Dennis Lloyd et Gaëtan Roussel dans le Lab Virgin Radio. Les meilleurs artistes pop, rock, électro sont dans le Lab sur Virgin Radio. Des grandes saucisses, une belle brochette. Non, Coé n'invite pas une troupe de mannequins, mais toute la radio à son grand barbecue. Coé slash 18h-21h sur Virgin Radio. Nous sommes dans la cour, plein de gens sont encore là. Dans un instant, nous allons avoir Didier Deschamps en ligne. Mais pour l'instant, comme dans tout barbecue, une chanson. Chanson. 3, 4. Bordas, cette chanson va être pour toi, mon ami. Casse-toi, Bordas, et ne reviens plus jamais, jamais, jamais, jamais. Casse-toi, Bordas, et ne reviens plus jamais. Casse-toi, Bordas, et ne reviens plus jamais, jamais, jamais, jamais. Casse-toi, Bordas, et ne reviens plus jamais. En fait, il fait semblant d'être triste, mais il adore qu'on parle de lui. Une autre. Il joue mal, regarde. Il se marre. Attention. Don't you know, talking about the revolution. Don't you know, they talking about the revolution. Est-ce que tu pourrais chanter moins fort? Il y a un match de foot à côté. Ouais, il y a des mecs qui jouent. Don't you know, they talking about the revolution. Moi, j'attends de voir comment elle va monter. Là, ça monte. Talk about the Marie, que les gens ne voient pas ton visage sur Facebook, ils voient que tes cheveux sur le côté. Elle est belle cette coiffure, on dirait Predator. C'est vrai, il a des dreads. Predator, mais il a des dreads. C'est les cheveux Predator, ça c'est ça. Chez Jean-Louis David, tu y vas, tu demandes. Tu veux, bonbon? On peut pas chanter ça. Une autre, allez, chante là. Une autre, allez, y va. Coco avec moi. Attention. Éreinté. Ou fatigué, pas vu passer, pas avancé. Quoi ça? Contre toi, entre tes bras, j'ai découvert tes gros nénés. Je t'aime pour ça, parce que tu as les plus gros et que pour moi, il n'y en a jamais de trop. Je t'aime pour ça, parce que tu as les plus beaux et qu'avec toi je peux faire coudou coucou lo plo plo. Mon pain de sucre soudainement a montré le bout du nez tout contre toi. Mais on dirait que vous venez de l'inventer. J'ai découvert tes gros nez. Je t'aime pour ça. Arrête. Parce que tu as les plus beaux et que pour moi. Non, arrête, c'est chiant. Il n'y a jamais de trop. Je t'aime pour ça. Parce que tu as les plus beaux et qu'avec toi je peux faire coulou coucou lo plo plo. Coulou coucou lo plo plo. Coulou coucou lo plo plo. coucou, stache, stache. Kourou coucou, Rio, stache. Rio de Janeiro, Bernard Lavilliers, moi j'ai tout oublié sauf tes gros nénés. Ça va les gars, oh il est pas minuit. Ne vous épuisez pas. C'est pas de nous, on c'est vous tient plus, on vous tient plus. Allez, un petit pas Kumbaya, ça fait chier tout le monde aussi. Tu connais Mickey de retour, c'est en do fa sol. Non, je connais pas. Ouais, ça s'apprend facile, hein, c'est en 2-3 heures, après tu peux bluffer tout le monde. Do fa sol. Allez, on y va. Vous voulez quoi? Mais ce que tu veux. Creep, Radiohead. Non, oh, non. C'est chiant ça. Non, non, Johnny Hallyday. Ah oui. Voilà. Oh Gabriel. Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Hey. Et l'enfer. Ok, Eddie Mitchell. Oh, je connais pas. Mais qu'est-ce que tu connais alors? Nirvana. Voilà, il sait faire Nirvana et on finira là-dessus. Et on ira Didier Deschamps dans un instant. Et chanter Marie ou toi? Marie. Ta, ta, la. Mais non, c'est pas là. C'est le début là. To pretend she's sober boy, sell machine alone, alone. To pretend. C'est ainsi que se termine alone, cette émission autour d'un mauvais. Ah merci. Enfin. Oh le cauchemar, arrêtez. Assez, c'est immonde. C'est ignoble, assez. C'était super, c'était voilà. Très bien. Assez, c'est immonde. Je voudrais remercier tous les gens qui ont participé à cette émission. Merci à toutes les équipes. Désolé pour ceux à qui on a enfumé les bureaux définitivement. Je crois que... c'est un kiff personnel. Il a toujours rêvé de faire ça. Putain, mais sans déconner. Le mec, à chaque fois, il rentre dans le studio, il dit « Mon fils, à l'école, il fait que des conneries. » Et le gars, on il y en a un qui joue la guitare, il fait... C'est moins bien. J'adore, ça fait la fausse note, j'adore. Je vous fais des bisous. Merci à Frérot, merci à tous les assistants qui ont tenu le bar toute la soirée. Merci Axel qui a fait des merguez. Vous voulez que je vous raconte un truc? Oui. Vous savez quand on fait des merguez, les gens qui sont sur Facebook Live l'ont vu. On a des grandes pinces. Oui. Vous lui avez donné une pince à sucre, les mecs. Ah le pauvre. Il avait une pince à sucre. Il était à 10 cm des merguez, il s'est brûlé toute la soirée. C'est pour ça qu'il a plus de poils sur les mains. Et il disait rien. Il faisait comme ça, il faisait... Le pauvre. Ça va, il faisait... Ça va. Je gère, t'inquiète. Ça va, c'est cool. Ah non, le pauvre, il voulait donner la mauvaise pince. Merci à tout le monde. C'était une tuerie. Je crois qu'on a Didier Deschamps en ligne. Oui, parce que attendez, ça joue quand là? Ça joue samedi pour nous. Samedi à midi. Ah ouais. Oui. Ouais. Samedi, vous l'avez ou pas? Oui, oui. Mais c'est surtout qu'on devait, on voulait avoir des nouvelles du match de mardi soir. Ah oui. Il était pas là, il y avait tout le... Ah mais il avait des devoirs en même temps. Je crois qu'on l'a au téléphone. Ah. Allô. Les gars, inspirez, c'est bien, inspirez. Tu vois, ils entraînent. Inspirez, c'est bien, vous soufflez. Ouais, un bon bout de ma petite main, tu souffles, d'accord. C'est bien. C'est bon. Voilà les gars, vous pouvez ranger les chichas. C'est ça l'entraînement, c'est ça. Allô. Allô, bonjour Didier. On est très content de vous avoir. On vous a pas vu pour le match de France 98 avant-hier. Pas trop déçu de pas être venu du coup? Eh, un petit peu. J'ai regardé le match à la télé, par contre, il devait y avoir une mauvaise réception. Pourquoi? Les images étaient diffusées au ralenti. Ah bon? Ah non, on me dit que non. C'est juste les joueurs qui couraient pas, ils marchaient. Non mais non Didier, mais c'est normal, ils ont plus 20 ans les gars non plus. C'est vrai, mais bon par contre ici en Russie, ils ont diffusé des images 16-9e, du coup ils étaient tous au plus gros. Quoi? Ah on me dit que non, c'est juste ils ont tous au gros aussi. Non mais ça va, j'ai compris. On arrête les vannes Didier, on se concentre sur la coupe qui arrive là. Vous êtes plutôt serein apparemment. Non, je suis Didier Deschamps. Plutôt serein, je connais pas. C'est une expression. Je voulais dire, ça sent la sérénité dans le vestiaire, quoi. Non, ça sent la chaussette. Et des fois, ça sent le P. Parce qu'on fait des concours entre les entraînements, ça détend les joueurs, c'est une nouvelle technique psychologique. D'accord, c'est moderne, on peut pas comprendre. Okay, bon, bref, et Benzema, alors, toujours pas, c'est définitif? Non, j'ai une dent contre lui. Ah ouais? J'ai une dent contre Ribéry aussi, et une autre contre Rabiot. D'accord. C'est tout. De toute façon, j'ai que 3 dents. Bon. Je vous laisse. J'ai l'image. C'est l'heure de la séance d'étirement. Ah, les étirements musculaires, c'est bien ça. Ouais. Non, les séances d'étirement de doigts. Allez, Giroud, c'est à toi de péter. Pète aussi. Non, non. Eh, c'est pas comme ça qu'on va la gagner la coupe. Hein. Non, on la gagnera pas comme ça, les gars. C'est mal parti. Hein. C'est une technique comme une autre. Je suis pas sûr. Chaque entraîneur a sa façon d'entraîner. Après. Oui, oui. Il faut être moderne. Bien sûr. C'est la cohésion d'équipe qui compte. Non, mais sans déconner. Il faut être ouvert à toutes les équipes. C'est la cohésion d'équipe qui compte. Bah oui. Bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que tu penses, toi, Koé? Bah, je suis d'accord avec vous. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord. Je vais vous embrasser. Je vais vous faire des bisous, ce qui revient exactement au même. Je vais vous dire à demain. Demain, c'est vendredi, fatigué. C'est la dernière. Je suis fatigué, il est KO. Moi, je l'assure, j'ai vu tout le monde faire du. Ils ont joué au foot. Ça joue au foot. Ça c'était bruyant. À un moment donné, il y avait trop de fumée. Il y avait les auditeurs qui venaient. Il y a eu des tas de trucs. C'est limite, on dérange, là, je crois. Hein. Non, c'était fantastique. Merci à tous ceux qui ont permis cette émission. Je vous embrasse tous. On revient demain pour la dernière de la semaine. Oui. La semaine prochaine, on aura Mickaël Youn, entre autres, mardi. On va se faire une belle émission en public. On aura pas mal de surprises. On fera d'autres choses la semaine prochaine. Mais j'ai complètement oublié. Quoi, Stouf? Et toi, pas là, t'es pas là. Ok, donc c'est parti. Non, mais c'est pas grave. Pas. Et déjà dans la voiture. Oui, non, bonsoir. Il y aura les 18 000 euros. Voilà. Les 18 000 euros la semaine prochaine. Vos SMS toute la soirée, 7, 12, 13. Envoyez des SMS. Mettez Koé au début de votre message. Essayez de dire un truc, bordage. Envoyez Koé au début du message. Et mettez votre numéro de téléphone et je vous appelle pour les 18 000 euros. Si je vous appelle, je dis bonjour. Vous faites quoi à 18h? Vous me répondez. J'écoute Koé sur Virgin Radio et vous gagnez 18 000 euros cash. Et voilà. Il a tiré, il a tout défoncé la table, le studio. Bonne soirée. À demain. Allez, bravo. Voilà, bravo. J'ai récupéré les boissons avant. Il y a eu un match de ballon de foot qui est petit parti. Petit accident. Voilà. On a perdu un Mac. Voilà. Allez, à la Barack Obama. Bonsoir. Je vous dis à demain. Salut. Salut. Koé revient demain. Koé. Dès 18h. Sur Virgin Radio. Elle était canon, l'équipe. À demain, tout le monde. On va ranger le barbecue, les saucisses, les merguez pour se replonger dans l'ambiance croissant, café et jus d'orange. C'est le replay du Virgin Tonic de Camille Combal qui démarre maintenant comme chaque soir sur Virgin Radio avec vos places à gagner pour assister au dernier réveil de Camille. Ça tombe avant 22h. Inscrivez-vous maintenant, envoyez live par SMS au 7 12 13 et puis nous on démarre le replay maintenant avec les trucs que personne n'aime, genre les examens. Personne aime ça. Passer le permis de conduire, tu l'as fait il y a pas si longtemps. Non, ouais. C'est des trucs stressants que personne n'aime, c'est comme les moustiques. Ah, ouais. Moustiques, ça doit être horrible d'être moustique. Vous savez que moustique, c'est horrible. C'est un gras. Ah, c'est un gras, vous savez pourquoi? Parce que toi, t'as rien fait, t'es né moustique. Personne ne t'aime. C'est vrai. Y a jamais quelqu'un qui dit non, mais attends, t'as pas la dent, j'adore les moustiques. Non, y a même des gens qui adorent les serpents. Oui, ouais, bah oui. Y a des gens qui adorent les araignées. Qui sont, personne ne garde des trucs. Alors, ça, c'est un moustique machin. J'adore les moustiques. Ouais. C'est vrai. Alors que sans moustique, pas de Jurassic Park. C'est vrai. Ouais, et les lézards les aiment puisqu'ils les mangent. Mais c'est tout. Oui, mais les aimer dans le sens de les protéger. Même les mouches, je suis sûr qu'elles les trouvent arrogants. C'est sûr. Personne n'aime les moustiques. Non, c'est vrai. Personne. Mais comme les pubs sur internet, personne n'aime ça. C'est énervant. Personne n'aime ça. On les a acceptés en télé. En radio, on les accepte, mais on les aime pas. On les a acceptés. Internet, on n'a pas encore fait le chemin pour les accepter et se dire. C'est internet, pourquoi il y a de la pub? C'est vrai. Non, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas? Non. Ah ouais. C'est fou ça. Clem. C'est comme se faire vanner sur ses fringues. Parce que tu sais que tu peux pas aller chez toi te changer, t'as en tant que caisse et tu dis bah si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. On n'aime pas. On n'aime pas. Mais on aime bien vanner les autres. Ouais. La règle de base, pas les fringues, pas les mères. Ouais. Ah non, jamais. C'est le premier truc, pas les fringues, pas les mères. Mais les fringues des mères, on peut. Non, c'est fou. Qu'est-ce que personne n'aime? Mais avoir le hockey. Ah ouais. Pendant 15 minutes, c'est énervant. C'est hyper énervant. Ça non plus, on comprend pas pourquoi on a ça, à quoi ça sert ce truc. Les frais de port. Non, on n'aime pas. T'as acheté, mettez-les avant. T'as acheté ton panier, t'as fait ton petit truc, tu dis tout, mop, ça dépasse pas les 60 euros, frais de port, 7 euros. Tu dis non. Ça me rend fou. Personne n'aime les frais de port, Clément. La Suze. Personne aime la Suze. Ma mère aime la Suze. Ouais, si, quand même. Oui, mais elle s'habille bien. Non, mais elle aime pas. Mais si la Suze ou le Martini, elle peut boire ça. Ah, quoi. Oui. À l'occasion. Nico, est-ce que personne aime l'encens? Ouais, non, mais oui, je veux dire. T'allais dire quoi? Rien. Non, si, t'allais dire un truc. Non, c'est promis. Bah, je te vois. Je te vois, tu sais. Hein. J'allais rien dire. Je te regarde du coin de l'œil. J'allais dire l'encens. Personne n'aime ça, l'encens là. J'adore ça, mais qu'est-ce que tu racontes? J'adore. Moi aussi. plan sang là, ça, ça te pique le nez quand il y en a trop et tout. T'es, oh là là. Mais trop, pourquoi trop toi, toi, ça fait toi tout. Et bah, ça vous fait pas tout mais bah, c'est ah, trop bien. L'encens, le papier d'Arménie, j'adore. Oui. Alors, personne n'aime quelqu'un qui n'aime l'encens. Bon, personne voilà, dans ton truc. Voilà, c'est ça. Mathieu, qu'est-ce que personne n'aime selon toi? Salut. Comme les moustiques. Salut Camille. Salut Camille, bonjour les copains. Déjà Nico, l'encens, faut pas le mettre dans le nez, hein, c'est sûr. Oui. C'est pas le bon endroit tout simplement. Ah, ouais. Voilà, c'est sûr. Après, un truc que personne n'aime, et ça j'en suis sûr et certain à 300%, c'est le rideau de douche qui colle à la peau quand tu prends ta douche. Là, c'est dégueulasse, c'est horrible. Mmh. Ouais. Quand il gagne un morceau de ton corps et que d'un coup il aspire ton corps, ouais. Il te recouvre en entier. Donnez son rib. Oh, ah, personne n'aime. Ça dépend, hein, parfois c'est pour être payé, hein, bah donc oui, hein. Tu le donnes. Hein. Même pour être payé, tu as qui te donne vraiment le truc. C'est sûr. Et acheter son rib pour donner son rib pour acheter de l'encens. Par contre, tout le monde aime ça, le Virgin Tonic de Camille Combal. Retour de toute la team en direct demain matin dès 7h. En attendant, c'est le replay avec Amir pour le son. Chacun parle sa propre langue. Très souvent, elle tangue entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets des sangles. Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étrangle. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé. Pour une fois, viens, on efface. Oublions nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai plus. Sur Virgin Radio qui sera au dernier réveil de Camille Combal le 29 juin. J'ai des places à vous offrir ce soir, envoyez live par SMS au 7-12-13, ça tombe avant 22h dans le replay du Virgin Tonic de Camille Combal qui vous a demandé ce matin de nous dire quelle est pour vous l'émission télé que vous ferez jamais. Moi c'est Top Chef, hein. Je sais à peine me faire cuire un steak. Quelle émission vous pourriez jamais faire? Tiens, Gabriel au 39-16, est-ce qu'il y a une émission télé? Ça n'empêche pas, ça veut pas dire qu'elle est pas bien, oui. Ça veut pas dire qu'on la regarde pas, ça veut juste dire qu'on pourrait pas la faire. Okay. Ah bah complètement. Moi c'est Koh-Lanta. Mmh. Ouais bah je suis comme toi. J'adore, c'est une de mes émissions préférées. C'est super hein, à regarder, mais pas manger, pas se laver, enfin c'est horrible. Ah ouais, les moustiques, je n'en parle même pas. Oh là là. Ouais, c'est un bon régime. Ouais, non, non, mais vraiment, je sais que je tiendrai pas, je pourrais pas mentalement et tout. Je pourrais pas. À regarder, c'est bien. Ouais. Surtout quand tu manges pendant ce temps-là. Il y a des gens qui rêvent de la faire, je comprends, mais moi je voilà, ça, je vraiment, j'adore regarder. Mais j'aimerais pas souffrir. Ah ouais. Ah non, pas du tout. Tu pourrais pas faire quelle émission, toi, Mel? Bah écoute, une émission que j'adore, c'est Baby Boom. Baby Boom. Et jamais de la vie, je me laisserai filmer dans ces moments-là. Ouais. Pareil, c'est vrai que ça donne une très belle émission. C'est vrai que les couples qui acceptent ça, Je peux comprendre, mais ça m'est impensable. C'est fou de se donner à ce moment-là, quoi. Bah, heureusement qu'il y en a, hein, parce que l'émission existe, mais waouh. Ouais, bah, ça fait une belle émission, finalement. Ouais. Claire, c'est quelle émission que tu pourrais pas faire, toi, Claire? Bonjour. Salut, bah écoute, moi c'était plutôt 4 mariages pour une semaine. Non, merci. Ah, voilà. Pareil, c'est pour fin du game. Merci, à demain. Ouais, pareil. Non, mais parce que là, franchement, juger ton mariage comme ça, c'est juste horrible. Mais j'aime bien regarder. Mais parce que, en Baby Boom, on filme un moment intime. Mais après, t'as pas qu'à d'autres filles qui font ouais, j'aurais pas couché comme ça. Ouais. Franchement, une péridurale comme ça, moi j'ai jamais vu ça, c'est nul. Même quand elle crie, ça sonne faux. Non, c'est horrible. Ils jugent les accouchements de l'une et de l'autre. Oh non, arrête. Mais alors là, le pire, c'est que c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Et après, t'as trois inconnus qui te défoncent ton mariage. Horrible, affreux. C'est dur. C'est horrible. Ouais. Impossible. Ah non, mais ça, vraiment, t'as tout dit, Claire. Voilà une émission, je trouve. Elle est dure. On parle d'autres émissions, celle-là, elle passe sous les radars. Celle-là, elle est vraiment dure. Ouais. Ah, c'est horrible. Ouais. Ginger. Moi, ce serait les reines du shopping, je pense. Parce que je serais trop stressée, en fait. S'il y a une demi-heure de la fin, j'ai pas la tenue parfaite que je me suis imaginée, mais je pleure, c'est terminé. Ça arrive qu'elle pleure, d'ailleurs. Mais oui, bien sûr. Et Christine, elle est là. Non, il faut tout donner, ma chérie, vas-y. Et toi, non, non. Celles qui sont avant, en général, celles qui restent trop longtemps dans la première boutique. Eh ben oui. Mmh. Enfin, c'est pas le même enjeu, hein. Hein, des fringues, bosse pas. Ouais, oui, c'est ce qu'on dit, je suis d'accord. Ouais. C'est un truc un peu plus futile que ton mariage. Bah oui, bien sûr. Hyper dur, quoi. Faudrait qu'ils suivent les enfants, après ils jugent les enfants des filles. Oh, c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après, horrible, de plus horrible que quoi, vraiment, le mariage. Je n'aimerais tellement pas avoir un enfant comme lui, que ce soit horrible. Alors, c'est super nani, hein, on fait tout ça. Super nani, c'est non, mais c'est vrai. Horrible. Hein. Quelle émission tu pourrais pas faire, Clem? Rendez-vous en terrain inconnu, j'adore, mais j'aurais peur de pas revenir. Je m'adapterais bien, je resterais vivre en Papouasie. Il y a quand même une équipe télé, il y a un avion. Ah, de vouloir rester là-bas. Bah, au bout d'un moment, tu t'attaches aux gens et je me dis, tu mets 15 jours, je sais pas, avec les voyageurs du désert. Au bout d'un moment, je me dis, ah, c'est un bon concept de vie et je reste là. Tu dis souvent Ginger le samedi soir, au bout d'un moment, tu t'attaches aux gens. Par contre, l'émission que vous allez faire, c'est celle-ci. Vendredi 29 juin, Camille Combal au Grand Rex à Paris. Vous serez la dernière émission du Virgin Tonic de Camille Combal. Ça va se passer le 29 juin prochain au Grand Rex à Paris. Avec plein d'invités qui vont se réveiller très très tôt pour vous. Il y aura Synapson, Christine and the Queen, iPhone, Amir, Eddie de Preto, Jane et surtout une dernière fois toute l'équipe du Virgin Tonic de Camille Combal. Je vous offre vos invites pour venir au Grand Rex encore ce soir. Envoyez live par SMS au 7 12 13. Vous n'avez aucune excuse pour pas venir. Ce matin, c'est Mélissa qui a gagné ses invites. Elle a joué à l'Histoire Naturelle Game. On va réécouter ça dans le prochain quart d'heure sur Virgin Radio. Et puis pour le son pop rock électro, je sais que vous kiffez, c'est Last Frequencies avant 22h sur Virgin. Mais c'est une bonne soirée, c'est Victor, on profite. Depuis 4 ans, vous entendez des voix qui vous réveillent, vous emmènent travailler et vos matinées ne sont plus les mêmes. Le 29 juin, préparez-vous à vivre un dernier réveil exceptionnel. Camille Combal et l'équipe du Virgin Tonic vont vous inviter au Grand Rex à Paris. Virgin Tonic. Bonjour, bon réveil. 2500 personnes dans une salle mythique pour vivre avec eux une émission hallucinante. Avec Jane, Eddie de Preto, Amir, Christine and the Queens. iPhone. Synapson. Tous réunis sur scène pour une matinée légendaire. Le 29 juin, vous pourrez vivre dans le Virgin Tonic le dernier réveil de Camille Combal. Gagnez vos places tous les matins dans le Virgin Tonic sur virginradio.fr. Envie d'encourager de jeunes talents? Firestone vous donne rendez-vous du 30 avril au 25 mai sur musictalent.firestone.fr pour voter pour votre artiste préféré. Les places à gagner pour assister à la finale du 19 juin en présence de notre ambassadeur Juliane Peretta sont aussi sur musictalent.firestone.fr. Parions Sport. Et voilà, c'est fait! 6-0. Oui, 6 jolis zéros bien alignés après le chiffre 3 et qui donne un super pack de l'autofoot de 3 millions d'euros à gagner ce vendredi. Oh là là, que c'est beau!